ce phénomène d'exorcisme a-t-il vraiment uniquement un rapport avec Satan ou si c'est un phénomène d'un autre ordre? Les médecins sont tous d'accord pour dire que la majorité des patients, lorsqu'ils voient une possibilité d'être guéris d'une maladie qui dure, fuient le médecin pour conserver leur maladie parce qu'ils finissent par s'accoutumer à la maladie. Cela devient sécuritaire pour eux, cela devient quelque chose de connu, une habitude en fin de compte, la maladie. Et on veut rechercher la guérison sans vouloir trop guérir. Conférence ce soir sur les mécanismes de l'exorcisme, l'auto-exorcisme. C'est une conférence qui fait peur. On peut le constater d'ailleurs par les scientifiques publics. Et on est habitué avec des salles pleines. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, pour l'exorcisme, vont préférer se procurer la cassette. Et d'écouter loin de l'énergie, loin des gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît ou on ne veut pas connaître le phénomène de la manipulation ou de la possession, le phénomène de l'exorcisme ou de la guérison. Ce sont des choses qui, depuis plusieurs années, sont reléguées au fin fond des tiroirs par les religions. Parce que les religions sont assujetties à être manipulées par ce qui, auparavant, étaient leurs ennemis. La majorité des personnes qui avaient un jour la faculté d'exorciser étant aujourd'hui plus ou moins possédés, bien évidemment, ils ne parlent plus de l'exorcisme, ils ne crient plus, ils ne veulent plus parler de Satan ou de diable, d'Ariman ou de Lucifer, parce que ces personnages, c'est bien évident que c'est plus facile par ses yeux de voir l'extérieur que de voir ce que nous sommes. Lorsqu'un être humain est suffisamment possédé, il ne peut plus voir ce qui le possède à l'extérieur, alors ça n'existe plus. C'est une possession. Oui, exactement. L'exorcisme, c'est quelque chose qui, à partir de certains films, nous ont... à partir de ce que certains films nous ont révélé, quelque chose qui peut être violent, qui s'adresse à une personne hautement possédée par des forces démoniaques, comme le diable, et qui, normalement, à part l'idée de faire peur, ne sert pas à grand-chose. On a eu un bonhomme qui est venu au Québec qui s'appelait Frank Schaffner. Il est arrivé ici sous forme d'exorciste. Il a travaillé un peu partout sur la planète et il a exorcisé. Et parce qu'il exorcisait, on a mis en doute son état d'évêque. Monseigneur Frank Schaffner. Il a eu sur le dos énormément de personnes parce qu'apparemment, c'est plus important de vérifier l'autorité d'un individu que de vérifier ce qu'il fait. Il guérit. Alors, c'est le diable qui passe par lui. Ou bien, il exorcise, mais s'il n'est pas reconnu par la majorité des gens, nécessairement, c'est un faux. Moi, personnellement, guéri par un vrai ou un faux, du moment que ça guérit, bien correct. Mais j'étais voir un charlatan, il m'a guéri. Son nom, c'est Charles, son autre ami, attends, peut-être c'est ça, charlatan. Il m'a guéri. Je me fous de savoir s'il y a un diplôme, s'il y a un papier... qui est reconnu par les hautes instances médicales, par l'autorité du peuple, l'autorité du gouvernement, je m'en fous! Justement, ce dénigrement, c'est pas une stratégie. Oui, justement. C'est une stratégie qui fait qu'on oblige l'humain à rester assujetti, à rester manipulé, à ne pas pouvoir se prendre en main. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être capable de se prendre en main? Cela veut dire, premièrement, s'ennuyer. Cela veut dire, deuxièmement, ne jamais être capable de se brancher pour prendre une décision convenable. Cela veut dire, troisièmement, regretter souvent ce qu'on a fait ou parler de ce qu'on aurait dû faire. Cela veut dire bien des choses. Cela veut dire avoir besoin d'autrui. Cela veut dire avoir besoin d'être aimé et avoir besoin d'aimer. Bref, d'être malheureux si autrui n'embarque pas dans notre jeu. Et à travers cela, l'humain se pousse dans le cul pour évoluer dans un chemin où il n'y a que des ronds, des épineux, des roches, des trous, de la boue. Et il finit par dire, ben, c'est normal, faut souffrir pour évoluer. Ben, c'est bien évident. Évoluer dans un chemin comme ça, c'est évident. tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome? Oui. Il y en a qui prennent, qui sautent du 12e pour arriver jusqu'en bas, puis là, qui prennent la tempête, puis là, qui prennent l'éducation. Tous les chemins mènent au chemin dans le entre choisir le meilleur chemin et choisir le chemin que tout le monde prend, il y a un problème. Et dans l'évolution de l'homme, étant donné que c'est la race humaine qui prédomine au niveau cosmique en termes d'importance sur l'individu, l'évolution est basée de façon à ce que la collectivité avance et non pas l'individu. Ce qui fait que l'humain est collectivisé. Ce qui fait que l'humain a besoin de l'opinion d'autrui pour se faire une opinion. Ce qui fait que l'humain a besoin d'être aidé et il a une morale qui peut aider autrui, même s'il lui perd la sienne, son aide. Ce qui fait que l'humain est poigné à suivre la mode musicale, vestimentaire, alimentaire. L'humain est poigné, et à travers cela, ben, c'est la collectivité qui évolue. Et lorsqu'un individu veut évoluer librement, individuellement, tout est fait qui ne fonctionne pas. La première chose, on te charrie, on te détruisionne, on te rend malade. Tu es trop puissant, tu fais une colère mentale, tu arrives à créer le petit auto-exorcisme, t'es écœuré d'être écœuré, tu te réveilles un peu, et bien là maintenant ça s'attaque à ton entourage. Tes enfants seront malades, se drogueront. Ta femme ou ton mari se sautera dessus. Ton patron sera de mauvaise humeur. Il arrivera des choses autour de toi pour que de toute façon tu aies suffisamment de temps à perdre pour ne pas continuer à évoluer, mon petit. Et tout va s'arranger, ton auto, tout va s'arranger pour que ça ne marche pas. Et au fur et à mesure que ta puissance grandit, tu protèges ta femme, ton mari ou tes enfants, tu protèges certaines personnes qui, auxquelles tu es relié émotivement. Pourquoi les grands initiés n'ont jamais été reliés émotivement à personne? Comme ça, bien sûr, les autres étaient intouchables. On ne peut pas toucher personne pour les démolir. Si tu arrives à être suffisamment puissant, eh bien, on va attaquer plus loin, de plus en plus loin. Jusqu'à temps, peut-être même, qu'on prenne l'opinion publique, qu'on se qualifie de grandir. Je suis certain qu'on ne peut pas discuter. Et le rôle de l'homme, contre tout, je trouve. Et quand je dis contre tout, je ne vais pas contre l'homme, parce que l'homme, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais contre les œuvres fortes qui manipulent l'humain, qui font en sorte que l'humain se complaît de vivre dans la souffrance, qui font en sorte que l'humain trouve normal d'être malade de temps en temps, mais c'est normal que j'ai de la misère à mourir, alors je te jure, ça devient normal. Ça devient tellement plaisant d'être malade, d'avoir une carte d'assurance maladie. Pourquoi l'assurance intelligente? C'est l'assurance maladie. Assurance, c'est assurance cela. On se culpabilise sur des choses qu'on ne fait pas. Et on veut poser des questions, c'est mieux de s'en empêcher. Dans cette stratégie, au fait, on parle de la gente religieuse qui a toujours été reconnue comme une puissance dans le passé, pouvant justement exorciser. Aujourd'hui, je parlais de Mgr Scheffner. Qu'advient-il du fait que plus dans les religions, on ne veut plus exorciser, on ne sait même plus exorciser. On ne sait même plus ce que ça veut dire. On a même rendu dans la religion, on a même peur de l'exorcisme. Mais il y a de quoi avoir peur quand on se dit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu exorcises quelqu'un, tu le fais posséder par autre chose. Alors, nécessairement, l'intelligence va s'arranger pour que les prêtres cessent de faire une chose qui, à un certain moment donné, n'est plus convenable, mais en même temps, l'individu doit apprendre à faire certaines choses à partir de lui-même. Donc, l'individu doit apprendre à se posséder, être possédé par soi-même. Oui, dans ma dernièrement, on a eu deux prêtres du Québec qui ont commencé à faire de l'exorcisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme exorcisme? Ils n'avaient pas cherché du monde qui avait des choses vertes. Il allait chercher des personnes qui avaient le choix, entrer dans des asiles psychiatriques ou se suicider. C'est dépressif. Du monde qui avait des problèmes familiaux, du monde apparemment normal, je suppose, parce que de plus en plus c'est normal d'être tout croche. Et ces personnes-là, bien, le prêtre leur demandait de devenir chrétien, etc. Il expliquait tout le rituel, puis la personne, elle voulait absolument s'en sortir, elle était prête à payer n'importe quel prix, même celui d'être possédé par le Dieu. Et le prêtre exorcisait, la personne s'en sortait. Sauf qu'à part la suite, elle restait vouée à l'Église catholique, c'est normal, parce que si le diable, enfin, si le démon aussi, une chose qui n'est pas toi, est exorcisée, elle le sera parce qu'elle laisse la place à une autre chose qui vient te posséder. Et qui, ce qui, normalement, va être les églises catholiques, enfin, les égrégores des différentes religions. Ces prêtres ont fonctionné, ces prêtres marchaient. Ils ont eu un ennemi majeur, l'Église catholique romaine. Bon, parce que les autres prêtres ne le font pas. Ils ne veulent pas le faire. Alors, on n'est pas obligé de le faire avant lui. Mais c'est quoi là, ce phénomène qui fait qu'on ne veut plus maintenant le faire dans l'Église catholique? Premièrement, quand on cache les clés, on finit par les oublier. C'est tout simplement parce que finalement, on est devenu incompétent. Non. C'est qu'à force de s'occuper d'autrui, on s'est fait tromper. Étant donné qu'on a perdu énormément de temps à s'occuper des autres, on ne s'est jamais rendu compte que par la porte en arrière, on rentrait chez nous. Alors maintenant, recherche les forces du mal à part dans l'homme, nécessairement. C'est quand t'es tombé. L'humain est intelligent. L'humain est de plus en plus probablement conséquentiel. L'humain a une technologie matérielle qui peut le libérer totalement des contraintes de cette planète. Et l'humain, ça fait encore la guerre. L'humain se viole, l'humain se vole, l'humain s'ennuie, l'humain ne se sort de rien. Et même, souvent, les gens vont dire, ça ne se remplit pas, ce qui se passe dans un fait absolument indéniablement parfait, c'est-à-dire que c'est normal que les forces d'évolution viennent s'accaparer de l'homme la seule force d'évolution. Parce que la seule chance de salut d'une force d'évolution est de se pluguer à une force d'évolution. Donc, la seule chance de salut de l'homme de se pluguer à des dieux, la seule chance de salut de salut à des forces démoniaques ou sataniques ou luciferiennes, c'est de se pluguer à l'homme. C'est logique. C'est froid, ça se connaît qu'est-ce qui est chaud. Ça se réchauffe, mais ça refroidit l'autre. Alors, lui, ben, poigné par n'importe quoi, ça dit que non. C'est correct. Mais je le répète souvent, c'est que l'homme doit devenir le maître. L'homme ne doit pas s'assujettir à des hiérarchies, qu'elles soient inférieures ou supérieures, parce qu'apparemment, l'homme est encarcanisé dans un corps de chair. L'humain a oublié des choses, l'humain a oublié ce qu'il fait sur le plan planétaire, l'humain est limité par un corps de chair, par son corps physique, l'humain est limité aussi par qu'il n'est pas le seul dans son corps physique, il est plusieurs dans son corps physique, ce qui fait que de temps en temps, certaines conneries chez lui le rendent malade, alors que la chose intelligente en culpabilise ou ne comprend pas. Quand je dis que lorsque l'être humain veut se coucher, veut dormir et que ça pense dans sa tête, c'est quelque chose d'autre. C'est pas lui qui contrôle la pensée. Quand l'humain fait des choses qu'il ne veut pas faire, quand l'humain se dit, quand l'homme un jour arrive à dire, l'homme est faible. L'homme est pas faible. L'homme est fort. Vous savez tous ce qui doit être fait. Le seul mot du problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Alors, c'est beau de dire l'homme est faible. C'est beau. Paquet de caves en arrière qui me forcent à faire du croche, ils me font même dire que l'homme est faible. Comme ça, je suis sûr de ne pas les découvrir. Finalement, la subtilité, il semblerait que avant, le démon se manifestait d'une façon tout à fait exorbitante. C'était gros, on le voyait, tout le monde pouvait s'attaquer après. Maintenant, c'est tellement dilué, c'est tellement partout, qu'on a de la difficulté à le percevoir et à s'en défendre. Premièrement, il faut comprendre qu'à l'époque où la Terre était en abaissement vibratoire, donc en refroidissement, donc en densification, il était évident que pendant certaines époques de l'évolution, disons, de l'involution du planète, les forces et hautement énergétiques, démoniaques, supériennes, arimaniennes, sataniques, belzébuthiennes, avaient la possibilité d'être manifestement des états d'âme. Parce que l'homme avait un taux vibratoire corporel plus haut, et parce que ces forces-là pouvaient être densifiées dans le plan planétaire. Se refroidissant de plus en plus, l'homme perd ce contact avec les choses, donc faire le contact avec les Melchizedeks, avec les catalyseurs d'évolution, avec les hiérarchies de l'ordre angélique planétaire. Et lorsque l'homme se refroidit, ces choses se refroidissent aussi, donc elles deviennent beaucoup plus vachement difficiles à détecter, parce qu'elles ne peuvent plus être supportées, elles ne peuvent plus être suffisamment autonomes pour apparaître devant l'individu. Et il y a une autre chose, c'est que l'être humain, au cours de son évolution, a développé le cartésianisme, c'est-à-dire qu'il a développé l'intellect. Et développant l'intellect ne fonctionne qu'à partir d'une logistique des sens physiques. Ce que tu ne vois pas n'existe pas. Et en même temps, il y a le feeling. Mon petit, sans lui, tu ne le vois pas, ça n'existe pas. Ta peur. Tu ne le vois pas, ça n'existe pas. C'est l'intellect. Mais ta peur quand même. Il y a le côté intuitif de l'homme qui continue à fonctionner, suffisamment altéré ou en lutte contre le côté cartésien de l'intellect. Le plan, donc, qui va donner une présence au mental. À travers cela, il y a une chose. L'humain cherche sur un chemin qui n'est pas efficace. Donc, nécessairement, l'humain fait des choses. Et il rentre sur un chemin, et après 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, plusieurs générations, il n'a apparemment pas de résultat. Alors, il finit par abandonner le chemin, et il abandonne en même temps tout ce qui allait avec le chemin, même si cela n'est pas nécessairement correct. Je donne un exemple. J'ai les brûlements d'estomac. Alors, je m'embarque sur un chemin roulette. Je prends un roulette et je lis après sur mes instructions, tu fais le papier. Alors, je dis, bon, alors c'est normal que j'ai un brûlement d'estomac, je prenais le papier avec. Bon. Alors, j'ai le papier et puis je mange des roulettes. Et puis, à un moment donné, bien, les brûlements d'estomac, ils continuent. Alors, mon chemin n'est pas bon. Ce n'est pas ça le problème. Alors, je décide d'aller voir la médecine. Et la médecine douce, elle commence à me piquer. En plus d'une brûlée là, ça me brûle aussi. On fait de l'acupuncture, on tripote les oreilles, on met les crocus des nerfs, bon, ce qu'on voudra. Et puis, ça ne marche pas, ça brûle toujours. Alors, je me dis, ce n'est pas le bon chemin. Je vais me faire faire des chaînes électromagnétiques, on me passe dans des cerceaux, on me prend pour un chien, tout ça. Et puis, après ça, ça ne marche pas plus. Alors, j'ai fini par me dire, peut-être que je suis pas malade. Et voilà, la maladie n'existe plus. Je continue à mettre mes dents. Celui qui est possédé, celui qui a des problèmes, finit par tellement s'accoutumer à ses problèmes qu'il ne croit plus à ses problèmes. Comment pouvons-nous concevoir une question de logistique, c'est pour le côté cartésien du cerveau? Comment pouvons-nous concevoir des hommes de bonne volonté comme il n'y en a que sur la planète Terre et comme tous les hommes de la planète Terre sont de bonne volonté? Je ne dis pas tous les hommes de bonne volonté. Ils veulent tous faire pour le bien et ils le font tous mal. Et une personne qui veut faire le bien et qui le fait mal, le fait aussi bien le mal qu'une personne qui veut faire le mal et qui le fait bien. Et cela crée la même, le même problème. L'homme est de bonne volonté. L'homme est poigné. Le gars aime m'en donner hormonalement, psychologiquement, amiquement. Il fait tellement choquer. Il faut s'empêcher de sauter sur une vie de violence. Là, on prend le gars, on le met en prison. Après l'avoir, finalement, pas tenté en cours, il est en cours d'un jour l'autre. Il faut que sa famille paye aussi. C'est quand même bon. Après ça, on le met en prison. Et puis là, on veut faire de la rééducation. De l'exorcisme, il faut faire pas de la rééducation. Mais la rééducation, c'est un exorcisme, c'est tellement doux, ça va prendre le poids des techniques. C'est pas plus de 300 ans. Alors, on commence la rééducation, il y a une personne qui doit supporter les misères de chacun des autres. Et chaque psychiatre fait aujourd'hui. Et si tu te poses trop près de tes patients, tu n'as besoin de beaucoup d'un psychiatre dans ton cas. Ce qui possède son client peut facilement se pousser dans le bas. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on préfère donner des médicaments, faire des lobotomies chimiques, temporaires, chimiques, donner des antibiotiques, pour s'éloigner un peu de ces contraintes, parce que on le veut ou on ne le veut pas, c'est contagieux, ces choses. On dit que les prisons sont une université du crime, c'est contagieux. Mais le problème, c'est que si c'est contagieux, pourquoi le bon n'est pas contagieux sur le mauvais, que autrement, c'est le mauvais. On prend 5 jeunes avec 5 jeunes. 5 bombes, 5 bombes. On les plante dans la même gang. Mais dans le plan des titres, on va dire mauvais. Pourquoi pas l'inverse? C'est la nature de l'homme qui doit être comme ça. Voyons, patrouillons-nous, écrasons-nous. L'être humain, c'est une chose d'autre que de la merde. L'être humain, ce n'est pas de la boue, ce n'est pas juste un corps de chair, c'est encore moins un serviteur. Il n'y a pas un Dieu sur la planète, il n'y a pas un Dieu dans l'univers, dans le super-univers, dans la création, qui mérite d'être servi par une de ces créatures, qui n'est pas assez intelligent pour se servir. Prendre un humain, le placer dans un contexte, donner une bombe nucléaire entre les mains, surtout qu'en plus, on est allumé, on oubliera. Il ne tout en passant par des institutions. Tu pourras être collé et apprendre à contrôler. Tu pourras être jaloux et apprendre à coller à contrôler. Tu pourras avoir peur et être angoissé et apprendre à le contrôler. Tu pourras haïr et apprendre à contrôler. Tu seras malade, tu seras fatigué pour que la colère ressorte plus et apprendre à contrôler. De temps en temps, on va te donner du vrai. Et si on fait le bon, si on prend toutes les bonnes choses de la vie mise sur un peu de balance, et toute la marge, la vie sur l'autre plateau, on va se rendre compte, c'est vrai que le bon, il monte au ciel. Mais l'homme, il est placé sur quel plateau? On se culpabilise, on s'ennuie, on se maudit, on s'haït. On a peur de la mort. On pense que notre jeunesse a préparé notre vieillesse. On pense que notre vieillesse a regretté notre jeunesse. On est contraint continuellement à demander à autrui. De temps en temps, on le sait, deux jours après, on a oublié ce qu'on savait. On décide qu'on change, on fait des mots pour changer. C'est un peu ça dans le on sent que ça vient. Tu viens pour le ramasser. Il y a quelque chose que l'humain doit comprendre. Premièrement, l'homme est sur le plan planétaire dans une fonction particulière. L'être humain est intentionnel. La création est accidentelle, mais l'humain est intentionnel. Il a un rôle. C'est résorber la création, ça veut dire faire en sorte que tout retourne vers le centre ressource. Ce que les théologies ont toujours dit sans jamais vouloir pousser plus loin, retour vers Dieu. C'est bien beau, c'est en plein ça. Mais c'est pire que ça, c'est ça. Sauf que l'humain, l'homme, est placé dans un contexte planétaire où il doit absolument, obligatoirement développer un véhicule terrestre matériel qui est le relégat, le résultat de la plus grande densification planétaire. Ou cosmique. À travers cela, il doit mettre de la vie, l'animer, le former en mémoire, donc faire en sorte qu'il puisse croître, comme les plantes et les animaux qui se développent. Et il doit pouvoir se reproduire de façon à conserver la vie sans arrêt, malgré que l'identification, l'âme, le véhicule qui permet à l'humain de traverser, de se poigner, de se poigner. Pendant ce temps-là, cette femme-là, ben, elle magasine le corps et elle permet en même temps de servir de mémoire sans fond pour empêcher qu'il vienne trouver les troubles. Qui va trouver les troubles? C'est ça. C'est ça. Si l'humain se réveille pas, ben, il devient jeune. Bon, on va mettre le fond pour commencer. C'est trop très assez rapidement. Si l'homme qui est dans ce contexte ascensionnel, évolutif, doit bâtir un cadre physique qui est tellement froid que ce qui s'exprime dedans, c'est même pas possible. Un corps vital pour l'animer, et pour que ça puisse fonctionner, c'est tellement mémorisé dans toutes choses gelées, l'instinct, le corps vital, la génétique, le code ADNique, lentement, la ligne de l'accumulation de l'énergie engendre l'âme, un âme de matière barbare dans les premiers temps, et un âme de tout sorte. Jusqu'à temps que l'homme ait des désirs extraordinaires et qu'elle finisse par engendrer le corps mental. Et le corps mental, ben là, c'est plus chaud. Et ce corps mental-là ne permet pas encore à l'humain de savoir ce qui se passe sur la planète. Par contre, ça lui permet de pouvoir souffrir d'une nouvelle manière. Le corps mental, que je prends de la planète. Et quand l'homme était barbe, ben, il y avait des douleurs, mais tout bon. Ça a passé tout ce qui est arrivé. Qu'on invente la télévision. Qui a force de voir des choses différentes, on finit par trouver ça drôle. Savoir un peu plus d'horreur, savoir comment c'est bien fait. Bon, c'est pas réellement bien fait. Trois dimensions maintenant, c'est ça de plus. Mais à force de voir ces choses-là, ça rentre dans notre quotidien tellement qu'il n'y a plus de problème. Le problème, c'est ça. L'humain arrive à son plan mental, lentement, et c'est là que la jonction se fait entre de l'intelligence qui va peut-être le réveiller. Et quand je dis le réveiller, oui. L'âme va se réveiller et va accepter de se transmuer. Et c'est l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, qui individuellement va commencer par pénétrer le corps mental de l'homme, engendrer un processus de contact créant l'ajusteur de pensée, et par la suite engendrer un processus de fusion où l'homme devra fusionner le plan supramental ou l'intelligence supramentale pour fusionner l'homme. Ça va pas toi, l'homme doit rester le maître. Lorsque cela se fait, l'allumée engendre un double éthérique, ce qui est l'absous de la deuxième mort, c'est-à-dire la pénétration du monde de la mort, du monde astral. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que pour que l'humain arrive là, il y a un bouchon qui s'opère. Il y a un bouchon extraordinaire qui est placé là. Et ce bouchon-là, c'est un bouchon qui est créé par l'éducation de l'âme et qui est créé par l'attachement qu'aura l'humain à ses mémoires et ses âmes. Au nom du fait que pendant 35 millions d'années, nous avons été des crapauds, nous voulons rester des crapauds. Au nom du fait que je n'ai jamais vu le soleil, je ne peux pas rejeuner. Au nom du fait que je n'ai jamais vu un vieillard rajeunir, il ne peut pas rajeunir. Au nom du fait que je n'ai jamais vu un arbre ne jamais mourir, ben les arbres meurent. Au nom du fait que j'ai toujours vu tout le monde malade, ben, je vais même vous être malade. Hein? Au nom du fait de toutes ces choses-là, au nom du fait que je ne peux pas accepter le neuf parce que je ne peux pas faire le mieux. Mais l'humain est en phase d'évolution. C'est donc normal qu'il y ait des choses qui n'est pas possible de faire dans le passé, qui devront se faire dans le présent et dans l'avenir. C'est ça. Mais si on veut regarder le présent et l'avenir avec les yeux du passé, je veux faire changer mon bloc, alors genre, j'ai une chandelle qui est arrivée, mais donc je prends la chandelle que j'ai vue. Bon, si je n'arrête pas le feu, ben tout là, il faudra que je trouve ça. Les choses sont textuellement, sont présentes dans la syllabe, mais il y a un bouchon qui est là. On a occulté finalement l'exorcisme, à un point tel que l'exorcisme est un outil. On l'a tellement occulté qu'on l'a. On le voit comme quelque chose d'un corps étrange qu'on voit absolument. L'exorcisme, l'astral, il joue toujours contre l'humain. Les premiers exorcistes ont été les prêtres. C'est toutes les religions. Étant donné que l'exorcisme est un prêtre, l'exorcisme ne sert que la force possessive de l'égrégore de cette religion. Et lorsque l'exorcisme commence à être entre les mains de pour les religions, alors nécessairement les égrégores, les identifications suprêmes dans les égrégores, les dieux créés par l'homme à l'image de la ressemblance de l'homme, la terre, le monde, de l'avoir, le ciel, les dieux, c'est des femmes se rendent compte que l'exorcisme est contre. Alors, on essaie de plus vite que c'est. Même si malade, on est dans cette vie. Sauf que là, moi, ce que tu penses, ben, tout ça, ben, pourquoi les conférences que je donne quand on entend, on sent la difficulté à passer, parce que j'ai que là, on est sur le c'est épeurant, c'est chiant, c'est talent, c'est drame. Parce qu'on veut être son seul maître et c'est moi qui décide du chemin que je veux voir. C'est ça le maître. L'humain est content d'être maître là. Il pense surtout qu'il est absolument incapable de pouvoir compter dans cette. La plus grande prière que l'humain a eue, hein? Elle va être changée prochainement, c'est de notre Père, qui finit avec Amen, qui veut dire ainsi soit-il, qui veut dire qu'il en soit d'un ordre. Qu'il en soit ainsi, c'est là qu'il doit se diriger. Prendre ses trésors et les foutre dans le monde de la mort dans le ciel, cela veut dire que lorsque j'ai de l'énergie et que je ne sais pas quoi faire avec, parce que la matière n'est pas prête, parce que l'humain n'est pas prêt, eh bien maintenant c'est de prier, de bâtir un Père. Donner un nom. Je peux prendre un père collectif, je peux l'appeler Jéhovah, je peux l'appeler Yahvé, je peux l'appeler mon père, je peux l'appeler quelque chose comme ça. Mais je peux aussi lui donner un nom. Et mon énergie s'envole là. Et lorsque j'en aurai besoin, je redonnerai. Cela revient ici, de moi. Est-ce que ça veut dire que l'on peut se retrouver avec une énergie qu'on peut stocker comme dans un magasin? Je crois que c'est un produit. On part en avoir suffisamment pour la stock. Alors, on est en fait pour cette maison. On a... Et puis à un moment donné, la personne est extrêmement en colère à cause, à cause. La personne succède, mais elle vient prête, là, c'est grave, ça vous regarde. Ça, c'est un autre problème, c'est qu'elle est convaincue qu'elle ne peut pas s'en sortir. Elle fait partie des plans collectifs, et elle se sent compte pour permettre à l'élite de grimper. Mais elle peut s'en sortir, sauf que ça fait un peu de biologie, parce que juste à l'instant où elle finit par l'avoir, on lui offre. Elle n'en a pas fait être dans le ciel, et on pourra constater que bien souvent, les personnes qui s'écrasent la place, les personnes qui essaient d'aider, qui veulent être aidées, qui veulent avoir des amis, qui veulent être acceptées, qui ont besoin de l'acceptation de lui, qui ont des enfants, qui en ont tout le monde. C'est tout le monde qui perd tellement d'énergie que quand c'est temps de briser la glace, ben, ils sont tout le monde. Tu parlais un peu plus de comment on place l'énergie. Bon, placer de l'énergie en réserve, il faut premièrement accepter une chose, s'occuper de soi. S'occuper de soi, évidemment, en s'occupant de soi convenablement, c'est-à-dire que si je vis avec des enfants et que les enfants font toujours des choses qui me nuisent, eh bien, je m'arrangerai pour que ça arrange de façon que ça ne nuise plus, sans que ça leur nuise. Chaque fois que je nuis à quelqu'un, nécessairement, il va vivre une condition je peux nuire moi-même, à un moment donné, je veux pas. Alors, des fois, en temporisant, j'ai des problèmes, il faut régler les problèmes. Tout le monde doit vivre dans un cadre relativement harmonieux, mais pour cela, on doit aussi ordonner à autrui. Si moi, je décide que je veux rentrer chez moi, et je ne veux pas que la maison soit bordel, la musique fort, les assiettes de la cuisine ont été essayées avec la bouffe dedans, ça traîne un peu partout, il faut 4-5 dans la maison, si je ne veux pas cela, j'ai le droit d'imposer mon espace-temps à celui que je vis. Mais il est important que chacun ait le même volume que moi. Chacun a sa chance, c'est pas une bonne chose. Il y a moyen de s'arranger. Pour placer, il faut commencer par trouver de l'énergie. Apprendre à se taire. On peut parler pour apprendre. Mais aussi apprendre à ne pas mettre l'énergie dans la parole. On doit s'arranger pour placer l'énergie dans les bonnes places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'individu est capable, et ça c'est un jeu dangereux, très dangereux pour l'homme parce que l'homme est manipulable. Sommes-nous, en tant qu'humains, capables de jouer certains jeux comme de parler pour parler? Pas comme moi, c'est la discussion. Mais parler. Pour parler. Sont-ils capables, de temps en temps même seul, d'acter? De ne pas être émotif. Non, même si émotif, c'est pas grave, sauf que tu te dois attacher au plus important à ce que tu vas faire ou à ce que tu vas dire. Par exemple, moi, je me sens embarqué dans le fusillage, c'est fait, j'ai de l'énergie. Alors, je fais quoi avec je me lance dans des campagnes politiques, je me lance dans des missions, je vais faire du bénévolat, je veux aider ma voisine, je vais avoir les peintures et la chambre à mon fils qui est déménagé, je sais quoi. Fais rien, mais crée. Mais créer dans le monde de la mort. C'est-à-dire, c'est de la peinture. Un roman. C'est en pensée, oui. Non, en réalité. Fais ces choses-là. Et contente-toi de faire de l'art. En faire. Contente-toi de ça. Apprends à faire des beaux bouts de ça. Occupe-toi d'un bon sac. Regarde les roches d'aujourd'hui. Apprends à respirer. Apprends à sentir l'énergie de ton corps. Apprends à marcher. Apprends à monter les pieds. Apprends à passer l'aspirateur en sentant ce que tu fais. Apprends à écouter. Apprends à sentir. Apprends à goûter. Pour les personnes nouvelles, apprends à sentir les poils. Et à travers ce genre de choses, l'humain s'exprime en plaçant son énergie dans une mémoire sans fond, dans un réceptacle, dans un égrégore personnifié par son, par ses œuvres d'art. Par ce qu'il appelle sa création, ce n'est pas une vraie création, mais une prémisse à quelque chose qui, un jour, lui sera possible. Mais comment l'humain peut-il se servir de quelque chose après? Et c'est là qu'émotivement, il y a un problème. J'ai fait une peinture. Ça m'a pris une semaine, trois semaines, un mois, six mois, un an. Le grand œuvre de l'alchimie. Je l'accroche. À un moment donné, je suis écœuré. Écœuré. Les choses doivent changer. Et c'est là l'initiative. Je rentre dans la maison. J'ouvre mon garde-robe. Je vais ouvrir ma main. Et je la prends. Et je la prends. Et en essayant d'avoir une voix pas trop émotive, parce que j'ai le droit de réussir. C'est important de réussir. C'est important de vouloir réussir. Si on n'en trouve pas grave, on recommence pas. On peut tout à fait faire d'avant. Mais on doit le faire. On doit le faire. C'est quand on le fait pour le début, on doit le faire. C'est l'énergie. Ça ne peut pas supporter les conditions énergétiques. Savez-vous ce que c'est que de l'énergie? Comment l'individu reçoit de l'énergie? L'énergie, elle publie, elle transforme, elle rend l'humain, elle le fait shaker, elle le fait trembler, elle le fait pleurer. Et c'est correct, c'est, jusqu'à là, c'est comptable, mais la personne est en train de faire quelque chose. Mais elle doit rester suffisamment lucide pour continuer à voir clair sur pourquoi elle le fait. Alors elle prend sa peinture, puis elle la casse. Elle la déchire. Pas d'une rage, elle la défait. Là, elle récupère son énergie. Elle la fout poubelle dans l'incinérateur à pile dessus. Et puis là, elle continue à savoir ce qu'elle fait. Les choses doivent changer. La mémoire que j'ai conservée là, maintenant, elle va me servir. Et je renais. Je dis quelque chose de neuf, sous forme de d'autocrisis. Et je me lève. C'est fini, ces choses. C'est un peu comme la personne qui décide de jeter tous ses bibelots au moment donné. Elle les a brossés, elle les a nettoyés. Et d'un coup, son monde doit changer. Je repeinture la maison, je change le mobilier, je change ceci, je change le tapis. Les vieilles photos, je mets aux poubelles, je change les choses. L'énergie, elle les a accumulées là. Elle a mis son amour dans les photos, dans les tableaux. Au lieu de le mettre sur un individu. Parce que l'individu part avec, il t'en demande tout le temps. Puis quand tu coupes, puis t'aimes plus, il comprend plus tes sangueurs, puis t'en mets tout le dormant. Les tableaux, je remets. Tu décales, genre, il y a tout, tu vas être en bourreau. La structure, c'est la même chose. Donc, ça, c'est placé, c'est trésor dans le ciel. Et c'est pourquoi les grandes religions ont toujours eu un d'or. Si on dit, oui, mais ils ont plein de richesses. Ils ont des grosses peintures, ils ont des gros vitraux, ils ont des grosses crucifix ou des grosses idoles dépendant des religions. Des grosses églises. Ils ont des grosses églises, ils ont des gros tapis, ils ont... C'est écœurant la puissance, l'énergie qui est apparemment stockée là. Et un jour, elles serviront. Pas nécessairement par ceux qui sont avec, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Maintenant, es-tu capable, toi, d'arriver de prendre ce que tu as apparemment mis de ton temps et de ta vie dedans, et c'est ça ton énergie? La briser pour t'en servir. Tu préfères l'admirer, tu l'as testé. Mais l'humain, maintenant qu'il l'a stoppé, me se regarde ici. À quoi faire les dieux? Ça sert à les prier. À quoi faire les saints? Ça sert à les prier. Et les priants, on les aime. Et les aimants, on place de l'énergie dans ces grégores-là. Mais la journée qu'on veut se servir ces grégores-là, on peut leur demander ce qu'on veut nous donner. On peut leur donner, on va en avoir un peu. Mais un jour, il faut péter la pluie, péter le saint. Péter les grégores. Faites la religion, faites les dieux. Et là, l'énergie nous vient s'en. Mais, je répète encore une fois, la personne qui prend son œuvre d'art, et c'est encore même facile que les religions les égards, et qu'elle le brise au complet, elle va la pénurie. Et comme l'ego ne s'attendait pas aux personnes, il peut y avoir un peu de peur, Fanny. Et la personne ne doit pas s'effondrer, se débrouiller. Je me peinture! Bon, c'est important. Elle doit ma peinture! Mais c'est ça aussi! Bon, elle doit être difficile. Un jour, j'étais au Guatemala et j'ai plus d'argent. J'ai des chèques de voyage, j'ai toujours des chèques de voyage parce que quand on n'a plus d'argent, puis on les déclare volés, puis on en donne d'autres, ça nous fait tout double d'argent. Bon. J'aimerais vous payer, mais quand t'es pas dit là, c'est difficile d'avoir, au lieu d'avoir 4 ans et de passer pour un voleur aux yeux de la police, mais c'est 800. Pas pour un riche aux yeux de la police. Bon. Mais j'ai besoin de l'argent tout de suite. Alors, je vais chez American Express et puis je fais un pack avec moi-même avant et je sais qu'il y a une chose que je ne peux pas faire. Allez voir les quêteux. Puis quand je parle de quêteux là-bas, là, ils ont vomi, puis c'est chier, ils sont habillés avec ça, ça tient chaud, ils couchent à terre, on le pisse dessus, mange les mouches, ils ne poussent pas. Du coup, ça. Ça ne fait pas l'eau à beurre de l'eau. Alors, je décide que si ça fonctionne immédiatement dans l'heure que j'ai besoin, les trois premiers mandiens que je vais rencontrer, je vais leur donner $1 pour un quittant de chemin. Mais c'est quoi cet aspect-là? Ça, c'est que je décide dans ce pack de cumuler suffisamment d'énergie de la chrétienté pour leur dire que je vais les nourrir, les donner. Si en échange, je fais quelque chose. Je vais là-bas au bureau, on vérifie rien, c'est bien correct, on me donne mes $400. Alors je m'en viens. Et là, le moment que je sors de là, j'ai un quêteux plus de chambre qui est proche de moi. C'est chiant comme ça, les choses. Là, je me dis, oh, il fait, tu sais, quand on va dans l'hôtel, après ça, je commence les. Mais en même temps, je sais très bien que c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que mes pieds, comment les changer à la banque, alors, ça prend tout un avant-cheux pour que j'arrive à donner sa pièce. Et ça marche. Alors, je m'en vais, puis je rencontre une petite fille du côté, avec une mère pour payer elle. Puis, à 4. J'avais plus plus d'enfants. Je me disais que même je m'en vais à me défendre, ça fait quand même avant. Là, c'est le même quêteux, c'est le troisième. C'est plein de conneries où l'humain doit rester debout tout seul. C'est un exemple parmi les milliers d'autres. Oui. Puis ça fonctionne. Mais parce qu'un quétal à des quêteux, c'est dangereux parce que ça leur donne trop. Mais je me dis que c'est ça. Mais cette mécanicité-là, est-ce qu'elle fait partie du type d'égrégore parce que tu en connais les clés? Maintenant, ouais. Étant donné que les clés sont connues de plus personne ou presque, rare. Et cette énergie-là qui est là, tout le monde voudrait bien la siphonner. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est bien protégée. C'est ça, protégée parce que plus personne ne connaît la clé. Trouve les clés. Mais tu parlais d'égrégore tout à l'heure, individuel. Là, tu la stockes dans du matériel. Mais quelqu'un qui s'embête pas avec beaucoup de matériel, finalement, il travaille plutôt au niveau plus subtil. Où le stocker ton énergie? Non. L'humain doit se contenter de travailler dans la matière. Donc, cette lampe ici, c'est une œuvre d'art, c'est une sculpture. Donc, si le gars qui l'a fait ne l'aurait pas vendu au centre, c'est très mal qu'on la casse. Mais tant qu'il l'a vendu, s'il l'a vendu à un bon prix, il va s'en foutre. S'il l'a vendu un prix, il va y faire mal un petit peu. Mais le gars qui l'a racheté, enfin, la direction du centre, si je le casse, là, ça veut dire que ça, c'est une batterie? Ça, c'est un accumulateur. Accumulateur? Mais non, le gars qui les a fait, l'or, la table, tout ce que l'humain fait, même son linge, accumulateur. C'est là-dedans qu'on doit passer. Donc, ça veut dire que tout le monde devienne riche? Non. Ça veut dire que tout le monde doit apprendre à s'exprimer dans quelque chose qui est hors alerté de l'art, parce que dans de l'art, on met de l'émotion. Et dans l'émotion, il y a notre énergie. Et c'est l'énergie que l'ego aura besoin lorsqu'il sera mal pris. C'est une façon de récupérer l'énergie de. Mais le temps. T'es mal pris. Je t'aide. Je je te fais des massages, je te mal partout, je t'ennuie, je te téléphone, je vais te voir, je te mets plus haut, je t'achète des cadeaux. Put! Ça remonte! J'attends, moi, là, je m'en vais. À un moment donné, j'ai des problèmes. Je vais te voir, tu verras pas moi. Je suis pas prêt à donner, t'as pu recevoir de moi. Je peux donner à d'autres, pas à moi. Mais l'énergie que j'ai mise chez toi, moi, la ramasse quand? Comprends le Dieu. Je te mets dans un objet d'or. Je crois. Je te mets dans un humain. C'est quoi la vie? Et il y a une autre problématique, là. Certains vont dire, oui, mais c'est l'égoïsme en privé. Si c'est égoïste, alors soit tu prends l'égoïsme. Il y a une chose certaine. C'est que tant que or, l'humain or, s'occupe de l'humain B, que l'humain B s'occupe de l'humain C, que de l'humain C s'occupe de l'humain A. A a jamais ce qu'il veut, parce que c'est ce qu'il donne. B a jamais ce qu'il veut, parce que A il donne, il pense que B veut. Puis C a jamais ce qu'il veut, parce que c'est B qui donne, puis B il donne ce que B veut. C'est sorte de la vie. Et tant que l'humain est conditionné par une évolution hyper-collective, c'est essentiel. Mais lorsque l'humain veut se sortir de ses problèmes, il ne veut pas se sortir de ses problèmes en gang. Parce qu'il y en a toujours un qui se fait ramasser pour te démolir. On a parlé de l'initiation dans le couple. Ça commence à bien aller, il faut qu'il y en ait un qui décroche. L'autre y remonte, c'est tour à l'autre. On n'en sort pas. Il y a toujours un dans le dos qui marche en bas. L'auto-exorcisme du couple à ce moment-là, ça serait pour justement la médecine dans le matériel. Oui. Exactement. Alors, ce qui arrive, c'est que si un jour A décide de se prendre en main, il laisse faire B. A, B, là, il s'écrase. A, B, il a des bouts de problème, il ne reste pas de sang cœur, il va au RC, toute la gang se met de contre lui. Je ne peux pas briser la tradition. Mais si A persiste, A n'a plus besoin de C. Puis A n'aide plus B. Alors, C, n'ayant plus besoin d'aider A, il peut se prendre en main maintenant. S'il se prend en main, B a plus besoin d'aider. Fait que B peut se prendre en main. Ce qui fait que A est libre, B est libre, C est libre. Est-ce qu'ils vont se faire la guerre maintenant qu'ils sont libres? Non, ils se le faisaient avant quand ils pensaient que chacun était interdépendant à l'autre. Maintenant que A est en pleine étude, B et C aussi, parfait, maintenant on a trois humains qui vont être capables de marcher côte à côte. Puis s'il y a trois, les chemins divisés en trois, ils vont se séparer tous les trois, voir qu'on a mis ce qu'ils vont. Puis ils ne sont pas trop polis à dire « Ah, il y a non, par ici, ah oui, mais la dernière fois, c'est moi qui est allé, ils vont. » C'est pas parce qu'ils deviennent individuels qu'ils nécessairement vont se séparer. Non, ils vont travailler collectivement, c'est intelligent de le faire, mais ils vont rester individuels dans leur conscience. Cela veut dire que lorsque Or décide de s'habiller en vert, c'est pas la mode, mais Or s'habille en vert parce qu'Or a besoin du vert pour être une énergie. Les autres ne sont pas contents. C'est la job de certains humains que de ne pas être contents. Bon. L'humain doit se prendre en main. La première chose pour cesser de gaspiller son énergie, c'est de la placer dans la matière. Mais le problème, pourquoi pensons-nous encore une fois que toutes les traditions ont dit à l'homme, faites attention à la matière, au bien matériel. Libérez-vous de la matière. Place dedans. Quand tu as besoin, détruis ça. Prends l'énergie. Mais si tu t'attaches à la matière, tu ne détruiras pas. L'énergie de la place dedans, tu fais des mondes extrêmement gelés. L'énergie est tellement avancée là-dedans que l'intelligence t'oblige à faire des guerres ou envoie des parlementaires ou des conneries pour démolir la sainte matière pour que l'énergie se libère. Quand Hiroshima et Nagasaki ont été détruits, ça a permis au Japon, qui était féodalement traditionnellement ancestral, de devenir l'une des puissances commerciales les plus grandes au monde. Mais il y en avait-tu des bibelots là-dedans, des traditions ou des conneries? C'était génial à l'époque. Mais rendu au siècle, il faut être rendu au 20e siècle. Non. Lorsque le soleil s'est levé là par deux fois la même journée, les bombes hydrogènes, les bombes atomiques, bien ça a détruit la matière. Et qu'est-ce qui est devenu le Japon? Pas un pays développé. Non. Ils font peur à toutes les nations, surtout au niveau de leur finance, de leur technologie. Ils mettent des annonces. Un jour, nous roulerons tous en machin chemin. Bon. La publicité. Les autres peuvent se permettre. Ford ne pourra pas se permettre ça. Hein? On va rire à vos dix, c'est pas dur depuis du fait. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain doit placer ses énergies. Dans le couple, c'est la même chose. C'est une maison où tu peux mettre tes énergies. Mais le bonhomme, comme la bonne femme, comme les enfants, doivent pouvoir crier dans la maison, avoir de l'art. Oui, mais c'est ma chambre, ma femme, tu as le droit d'avoir ta vie. Organise ta vie. L'humain doit se placer pour conserver ses énergies, mais de temps en temps, il doit tout démolir, ou démolir une partie, démolir un objet, pour pouvoir changer des choses. Et lorsqu'il prend cette énergie, il doit en même temps faire une colère mentale, ce qui devient de l'auto-exorcisme. L'auto-exorcisme, ou l'exorcisme, c'est lorsque l'humain se sert d'un égrégore particulier. On va vous expliquer un petit peu brièvement l'exorcisme traditionnel. L'humain est possédé, le prêtre arrive, il doit se vêtir des habits de la religion pour pouvoir, au niveau de l'onde de forme, au niveau du symbole, se connecter à l'égrégore de cette religion. C'est un bouddhiste, c'est un prêtre bouddhiste qui devra l'exorciser. Ça, c'est une clé. C'est une clé. Et il doit aussi avoir le livre, l'eau bénite, si c'est un prêtre catholique avec un possédé catholique. Et lors de l'eau bénite, pour vérifier si effectivement l'égrégore est possédé par un ici. L'individu est possédé par un égrégore catholique, parce que s'il est bouddhique, l'eau bénite ne font rien sur lui. Oui. Bon. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? N'importe qui peut faire ça s'il le fait suffisamment sérieusement, parce que sinon, la bénédiction. Donc un laïc ou bien. Ça va de quoi? Oui. C'est quelqu'un qui est capable de supporter ce qui va arriver là, parce que ça va jouer avec son égo au bout de ce qui va se passer. Alors, il fait le test pour savoir si l'égrégore auquel il se plug est l'égrégore qui peut faire quelque chose par l'autre. Il y a l'âme qui est paramétrée par un séraphin, c'est l'énergie vitale. Et la vibration de ce qui vient du monde de la mort possédé l'individu ne peut pas pénétrer l'âme. Par contre, elle engendre, comme dans une chaudière d'eau, si on donne des bûches neuves, les doigts rentrent pas dedans, puis on voit la réception dans l'eau. Alors, elle engendre dans l'âme la même vibration qui vient donner une expérience problématique à l'ego, ce qu'on appelle la possession. Si la vibration reste suffisamment à l'intérieur longtemps, elle est suffisamment auto-énergisée, ça peut créer un deuxième écho qui lutte pas contre le premier. Alors le prêtre se présente et il doit prononcer un rituel, une parole, pas émotive, une parole ordonnante, une parole mentale. Il doit ordonner, mais étant donné que l'égrégore n'est pas le sien, mais que c'est celui d'un Dieu, au nom de Jéhovah, ça ouvre les portes, ou au nom de Dieu, ou au nom du Père, ou enfin, dépendant de l'égrégore auquel il est relié, il ouvre les valves. Et donc, en son nom, sa vibration, il nomme le nom de la personne possédée. C'est Daniel, Michel, Pierre, il nomme le nom de la personne. C'est une autre clé. C'est essentiel. Et là, il doit, avec le rituel, donner suffisamment d'attraction chez lui pour que suffisamment d'énergie vienne. Et l'énergie qui va venir va frapper l'âme du possédé et va engendrer la même vibration intérieure et c'est ces deux-là qui vont se heurter. Mais tu dois en venir suffisamment longtemps pour que cet égo-là finisse par devenir quelque chose en affinité avec l'énergie qui dépossède Dieu, Jéhovah, etc. Pendant ce temps-là, évidemment, toutes les forces astrales, arimaniennes entre autres et sataniques, vont lutter contre toi, c'est-à-dire qu'un objet peut bouger. Qu'une chose, la personne peut avoir l'illusion de se transformer. Il y a un paquet de choses qui se passent, qui se peuvent et qui fonctionnent, tout ça pour te faire chier. Tu as peur un instant, tu n'es plus en connexion. Et là, bien. Forme d'exorcisme violent. Mais l'homme peut aller puiser l'homme où il le faut dans le ciel. C'est là pour tout le monde, ils se verront un jour, mais ils se verront pas tout le monde. Pour s'auto-exorciser ou pour exorciser autre humain. Mais juste une chose, on ne doit pas exorciser. Tant qu'on n'est pas véritablement pour se mettre. Et si on est véritablement pour se mettre, ça veut dire que la possession d'autrui ne nous dérange pas. Et ça ne dérange pas. On peut même cohabiter à l'être de la si on voit l'intelligence, c'est plus tard. Mais si motivement on est mal pris, dangereux. Il ne faut pas qu'il veut aller voir un prêtre ou quelqu'un qui connaît pas votre soeur. Elle est prémotivée à Québec, mais qu'elle sorte. D'abord, il y a fait, il y a raison, c'est pas grave. Alors là, vous travaillez. Mais sinon, c'est compliqué. Quand tu parles des grégores, finalement, c'est la collectivité qui l'a créé. Et le mécanisme qui l'a créé en créant, justement, en ramassant un universel, mais l'individu peut créer aussi. De cette façon-là, un égrégore. Bon, il y a des. Lui est sien. Oui, il y a des techniques au niveau PMC, par exemple, qui te permettent de créer ta propre égrégore. Oui, mais pourquoi tout à l'heure tu disais que ça se faisait préférablement dans la matière? C'est plus facile. Et au lieu d'apprendre, c'est plus facile. Il faudra que tu brises la matière, il faudra que tu mettes... Bon, c'est une mécanicité qui n'est pas parfaite. Quand tu m'arrives à avoir une autorité mentale, quand tu m'arrives à avoir une prononciation mentale, quand tu m'arrives à développer le verbe, donc la parole juste et la voix juste, quand tu m'arrives à être capable de supporter l'humain, il crée ses propres égrégores qui sont à lui. Mais, en attendant, pourquoi attendre? Quand tu peux placer des choses dans la matière, mais faire attention, ne t'attache pas à ce que tu places. Parce que l'humain regarde ta toile, sa sculpture, c'est un premier piège. C'est le premier piège. Pourquoi la matière est dangereuse? C'est mieux de le mettre dans le monde de la mort, de le faire bloc, que de le mettre dans la matière, de le faire bloc. Mais, Alain, c'est pourquoi dans l'Antiquité, on expliquait cela comme ça. Il avait raison. Mais aujourd'hui, il y a des humains qui sont maintenant suffisamment écœurés ou écœurables pour devenir écœurés. Pourquoi faut-il écœurer? Parce qu'on manque de puissance. Moi, je n'ai pas besoin d'être écœuré maintenant pour changer les choses. Sauf que l'humain est suffisamment poigné, l'humain s'attache tellement à sa misère qu'il ne veut pas s'en sortir comme ça. Si je te dis, moi, tu devrais faire chugger. Oui, non, je t'en forme. Oui, mais dans 50 ans, tu ne seras plus. Oh, mais on va t'en faire mieux. Alors, il faudra que tu sois malade, tout croche, qu'on fasse même une piscine, comment ça se participer. C'est ça, les cœurs, même. L'humain s'ennuie. Oui, mais tu vois, comme un peu plus fort. Alors, tu ne vois pas là un symptôme majeur d'un problème. Tu n'es pas ton maître, on te met plus. Oh, là, on me dit plus, mais de temps en temps, je suis là. Parce que, j'ai une heure par jour, moi. C'est pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Mais c'est pas que ça pourrait être mieux. C'est que le rôle de l'homme, c'est d'être son seul maître, 24 heures sur 24. Lorsque lui-même prend une décision, ça va. Il va se coucher, le lendemain. Fini. Mais cette mécanicité-là, finalement, c'est que si on a réussi à placer, créer une dynamique, on la perd, mais pourquoi qu'on la perd? Moi, je prends une décision. Je décide une chose. Alors, une petite partie d'exercice. Je décide qu'à partir de maintenant, je mange bien. Je prends quelque chose, je le casse. Je le mets sur ma tête et je... Et chaque fois que je mange le mal, je peux jeter autre chose. Je vais réussir. Je n'aurai plus de vaisselle la semaine prochaine. Tu te crois faible à ce point-là? Non. Mais... Je te jure que je n'aurai plus de problème à manger bien si je m'arrange. Je dis, mais je ne passe pas sur la maison. Je m'en vais au magasin et je regarde. Mais... Ça, c'est beau, une seconde. C'est beau. 800 piastres, c'est à moi décider. 800 piastres, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est de mon temps et de ma vie que j'ai mis pour avoir ce papier. Ça, c'est l'énergie qui laisse dans le monde de la mort, dans la matière. Mais là, elle veut me servir, cette énergie-là, là. Pas me faire courir vers la chaligorie. J'achète ça. J'ai placé quelque part. Et là, je commence. Maintenant, je mange bien. J'en consomme tout de suite pour être sûr que ma transformation soit ça. L'important, sinon on n'est pas encore fait. Ça veut-tu dire que quand on achète une auto, la première chose qu'on fait, on la poque? Si tu portes ton auto la première journée que tu as eu ton char neuf, il y a des fortes chances que tu t'attaches moins après. Tu t'en viens, tu prends ton marteau de ton char neuf. Ça paraît stupide. Mais ça libère. Et que ça libère, ça touche moins. Ça fait! Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais ça libère. J'ai toutes mes livres là, on pour commencer. Bon, ben là, au moins, on me laisse la chance, là. Non, il devrait faire avec la bouche de papier. Oh, non, je suis capable de faire des enfants pour marcher. Tu le jettes. Où tu laisses tes morceaux, tu te vois. Mais au moment de l'épurance, je me sens, je suis je suis faible. Non, je suis pas faible, t'es faible! Mets ça là, on continue, on lâche pas! Est-ce qu'en plaçant notre énergie dans l'art, on arrive à ne plus ressentir le besoin d'aider les autres? Première question. On arrive justement à ne plus ressentir le besoin d'aider les autres. Ce qui ne nous empêchera pas d'aider autrui lorsque c'est intelligent de l'aider. Mais on ne sera pas assujetti à aider quelqu'un parce qu'émotivement, on se fait charrier. Intelligent d'aider, on aide. Ce n'est pas intelligent, on n'aide pas. On n'a pas le temps, on n'aide pas. On va aider, mais on va se fatiguer, on va s'épuiser, on va... Chaque chose prend son temps, puis chaque chose, selon l'équivalence, échange d'énergie. Ça n'empêche pas d'aider autrui lorsque c'est utile, intelligent d'aider autrui. Donc, on aide. Quand est-ce que c'est intelligent d'aider autrui? Quand c'est besoin. Pourquoi ce besoin de partager de bien-être avec autrui lorsqu'on le canalise parce qu'on ne peut pas l'accepter totalement? Mais ça fait ça. Voilà. Je pose la question et elle te répond. Un animal qui en ont investi d'une forme d'art est-il considéré comme un humain dans lequel le retour d'énergie ne serait pas rendu? C'est préférable de ne pas placer notre énergie dans un être vivant. Au minimum, les plantes. Mais encore là, ça devient problématique au niveau écologique de détruire une plante. La matière, elle, n'a aucune identité, n'a aucune consistance égrégorienne de ce qu'elle est. Tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'au niveau de l'onde de forme, elle peut absorber l'énergie émotive, donc énergie vitale, transportée par le plan émotif de l'homme. L'animal devient une problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire l'animal. Tout à l'heure, j'expliquais à une personne, si ton enfant meurt, profite-en. Mais ne tue pas. Ce n'est pas pareil. Ton enfant est mort. Voilà. Relance ta vie. Grimpe. Au nom de lui, fais quelque chose. Tu auras de l'énergie comme jamais. Permets qu'il se réincarne immédiatement chez toi. Sans se casser la tête. L'humain peut fonctionner avec de l'énergie. Sauf que cette énergie, elle doit toujours, si elle veut servir, être le complice d'un auto-exorcisme. Ça ne sert à rien de... Bon, je marche, j'ai acheté des bibelots pour manger bien. Et puis, à un moment donné, bien, je donne mes enfants qui en causent. Bon, ben, c'est comme si je vais... Non, ça n'a rien à voir. Je dois les casser. S'ils se cassent tout seuls, ou si je les casse par accident, ou s'ils pourrissent, ou si quelqu'un les casse, ce n'est plus ça. Alors, tu achètes quelque chose, tu gardes tellement longtemps que ton auto pourrit tout seul. La rouille, elle s'est fait. Va faire tombe. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la désillusion face à la vie, où tu penses que les choses matérielles sont éternelles, puis tu te rends compte qu'ils s'en vont à cause de la friction de l'espace-temps sur la matière. Mais l'humain doit s'arranger pour faire quelque chose. Si tu places cela dans un enfant, l'enfant a, disons, une autonomie individuelle, il aura accès à une conscience individuelle, donc ça le regarde lui. Ce que tu places dedans, ne t'attends pas à ce qu'il te le redonne. Malgré toute l'éducation que tu voudras lui faire, parce à quoi ça sert l'éducation? Je te rends service ou tu me rends service, c'est simplement ça. Je place mon énergie dans l'homme et je l'oblige un jour à me le remettre. Et l'homme étant ce qu'il est, il ne remet pas toujours. Et là, on parle de mauvaise éducation, on parle d'impolitesse, on parle de mauvais chien. Bon, ça n'a rien à voir, le chien est laid, pas l'homme. Bon, lorsque tu veux placer ton énergie quelque part, place-la dans une chose qui n'a pas d'ego, qui n'a pas d'identification, qui n'a pas d'énergie vitale animée, donc qui n'a pas de vie telle qu'on la connaît. Et la meilleure chose, c'est de la placer à quelque chose qu'on aime. Parce que ça va être facile à placer. Et qu'est-ce qu'on aime dans la matière? C'est ce qu'on appelle de l'art. Et on place ça dans l'art. À la condition exclusive que l'homme soit suffisamment pour se le mettre, pour que l'être humain se rappelle continuellement que lorsqu'il travaille avec la matière, c'est pour placer de l'énergie dedans. Lorsque Albert Einstein et d'autres personnes ont calculé de quelle façon on peut arriver à libérer l'énergie de la matière, eh bien, il y en a qui ont eu des problèmes. Parce qu'il voyait la bombe nucléaire arriver. L'humain plante dans la matière, sauf que la matière ne doit pas devenir le cercueil de l'énergie de l'homme. Elle doit servir de réceptacle. Et on doit être capable de briser le réceptacle pour récupérer. Si c'est un enfant qui meurt, c'est la même chose. Si c'est un animal qui meurt, changeons la vie. Le couple, c'est quoi? Tu bâtis un égrégore familial dans lequel tu en mets d'énergie. Et quand ça ne va plus, brise tout. Et regarde deux humains libres à la condition qu'ils ne brûlent pas. À la condition qu'ils ne se laissent pas écraser. Mais effectivement, sinon c'est bon. Et même pour les enfants, l'énergie qui rentre là est bonne. Mais l'humain doit le rendre complice d'un auto-exorciste, c'est-à-dire qu'il doit faire une chose parce qu'il a une raison logique ou intelligente de le faire. Et lorsqu'il décide d'accomplir un acte, Il le signe dans la matière en se servant de l'énergie emmagasinée quelque part, et il doit rester suffisamment mental pour que ce soit lui le boss. Faire un exorcisme sur soi, un auto-exorcisme, t'es toujours en train d'être en retard, t'es toujours en train de brailler, t'es toujours en train de te lamenter, t'es toujours en train de chialer, la vie est toujours plate. Attends, oui, mais avec toi, c'est plate. Ah oui, mais prends tes doigts en main. Pas avec moi, c'est plate, c'est toi, avec toi, c'est plate. T'sais? La personne doit arriver, à un moment donné, à briser les choses. Ah, c'est ça, moi, je reste plus de quoi, moi, je me charge mes amis, moi, me faire ma guerre, ou m'organiser moi-même. Ça y est, hein? Et ça ne marchera pas plus, ta personne, elle ne fait pas de tout exorciste, ta personne, elle essaie de crier, elle manipule l'autre en faisant du chantage. Et elle s'en va chercher ses amis, c'est ici, c'est ça, mais veut, veut pas, si on ne s'occupe pas d'elle, elle ne pourra jamais s'occuper d'elle. Elle a besoin des bons pieds au cul, premièrement. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on doit la laisser ébroyer tout seul un peu. Lorsqu'elle sera écœurée d'être écœurée, eh bien, si elle a besoin d'aide, c'est écologique de l'aider parce qu'elle va nous laisser en paix. Alors, on l'aide. Jusqu'à temps qu'elle puisse s'auto-aider elle-même, et lorsqu'elle a réussi à s'auto-aider elle-même, donc à s'auto-exorciser, elle est libre d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est libre de ce qu'elle croit être elle, elle est libre de ses manipulations, et elle devient un peu plus le boss. À quoi ça sert, l'évolution? Personne ne le sait. Enfin, presque. C'est normal, c'est pas que tu poses une question, on t'oblige à pas y répondre. Personne n'a la parole ajustée. Hein? Dans le séminaire, j'en parle. C'est absolument effarant comment on peut s'amuser à un moment donné, mais là, on va pousser. Ben, je pose une question à une personne, puis elle me répond toujours, ben, je le sais pas, c'est à cause que... Elle dit qu'elle sait pas, puis après ça, elle m'explique. Tout le temps. L'humain est tellement poigné dans sa parole, dans sa pensée, tellement manipulé, que nécessairement, s'il n'arrive pas à avoir une parole relativement intéressante, il ne peut pas faire de colère mentale, il ne peut pas arriver à s'auto-exorciser. Mon Dieu, j'espère que... Premièrement, c'est pas ton Dieu... Deuxièmement, espère pas que va rien se passer. Bon, ben là, le coup là, j'essaye, là. On commence. Pas tout de suite, dans 3 mois, dans 4 mois. Tu viens d'instruire ton ego, que c'est pas bon. Commence pas tout de suite. Tu travailles contre toi. C'est très important dans l'auto-exercice. Vous prenez une décision, vous manquez votre coup. Vous prenez la peau de vous après. Attendez. Laissez gérer. Parce que sinon, on manque de tout. Parce qu'il risque. Là, tu as la preuve que ça ne marche pas. Fait qu'elle recommence pas tout de suite parce que tu vas travailler contre toi et tu vas encore manquer ton coup. Là, ton ego va avoir la double preuve que ça ne marche pas. Puis à un moment donné, tu ne veux même plus. Tu veux maigrir, essaye. Puis quand tu manques ton coup, attends quelques mois avant de recommencer. Ben, c'est long. C'est pas long. Ça marche. C'est mieux que de vouloir passer sa vie à chercher une technique rapide. C'est mieux d'en appliquer une qui marche, même si ça paraît tout. Quand tu sais. Quand tu dis de mettre de l'énergie dans le ciel, ça, c'est le ciel. Ça, c'est le ciel. Oui, parce que la matière, c'est le monde de la mort. L'atmosphère, c'est le monde de la mort. Il y a deux façons de placer l'énergie dans le ciel. Il y a évidemment la façon qui va être celle de la prière. Et l'exorciste conventionnel se sert aussi de la prière pour aller la chercher et la canaliser par lui chez un individu. Ce ciel, il ne peut pas être tari par les vers, les voleurs, etc., comme le nazaréen. Par contre, il doit être égrégorisé personnellement parce que sinon ton énergie ne la retrouvera pas. Et si tu ne la retrouves pas, ce n'est pas grave parce qu'à un moment donné, ben, au nom de toi ou au nom de l'égrégore, de Dieu, de Jéhovah, etc., si tu as la puissance pour et si tu acceptes de supporter émotivement, malgré ta libération des contraintes traditionnelles, la tradition pour aller faire une chose. Je te donne un exemple. À un moment donné, l'individu découvre que apparemment les religions l'ont manipulé. Mais à un moment donné, tu veux qu'il se passe quelque chose, parfait. Va à l'église, va te confesser, prie. Ça va marcher. Pourquoi je pense que ma femme reste malade? L'idée n'est pas de savoir si on rentre dans une religion ou pas. L'idée, c'est que c'est une mécanique qui fonctionne. Ça marche. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Oh oui, mais tu sais, moi, je rentre dans une église, je suis plus capable. C'est comme celui qui est plus capable d'en sortir. C'est la même chose. C'est pas libre. Tu dois être bien dans un bordel, dans une église, sur une montagne, dans un désert. Pour un couple qui reste toujours vivant, qui se démolit tout le temps, puis se rebâtit tout le temps, oui. C'est ça que tu veux dire? Oui. Mais l'humain peut vivre d'une façon non souffrante. Pour ça, il faut que chacun, on a parlé de l'amour intelligent, je crois suffisamment de quoi, je ne vais pas trop venir dessus, on va y repasser en masse de temps plus tard. Première chose, c'est d'arriver à supporter l'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? L'ennui, c'est la peur qu'on a de nous-mêmes. C'est ça l'ennui. L'ennui, c'est qu'on veut absolument exprimer notre condition à l'extérieur. Quand on s'ennuie, c'est qu'on n'a plus de matière pour supporter notre expression. tu fais de la peinture, puis c'est laid. Tu fais de la télévision, puis il n'y a rien de bon. Tu fais tous tes postes, puis il n'y a rien de bon plus non plus. Tu fais ton chum, tu t'engages. Tu fais l'autre, tu n'es pas là. Tu sais, il n'y a rien pour supporter, puis on t'accroche convenablement. Il n'y a rien qui va marcher. Tu t'ennuies. C'est parce que tu n'as pas de support. Le problème, c'est que l'humain, l'ego ne peut pas savoir qu'il existe s'il ne s'exprime pas. Donc, il a besoin de l'expression. S'exprimant, il sait qu'il est. Sachant qu'il est, il crée de l'énergie à l'extérieur, il crée du remous. Ces remous-là reviennent chez lui, le retour en dos formé, ça le nourrit. Et il appelle cela être heureux, être sécurisé. Sauf que l'humain doit arriver à ne pas être assujetti à ce phénomène. Comment veux-tu qu'un homme, une femme, un enfant soit heureux sur cette planète si continuellement il a besoin de quelque chose pour être heureux? Puis que ce quelque chose est intentionnalisé. Il peut s'en aller quand il veut, revenir quand il veut. Hein? Il peut se laver ou pas se laver. Il peut grandir ou pas grandir. Il peut partir, rouiller, mourir. C'est là qu'il... Ton bonheur, il t'assujettit à quelque chose qui roule, qui s'en va, qui monte. C'est ridicule. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, c'est heureux. Moi, j'ai besoin d'avoir ma bonne petite femme, là, tu sais, puis mon chien, nous, on a tout, là, comme tu vois. Mais quand ta bonne petite femme, elle décide qu'il y a le bon bonhomme, là, maintenant, puis qu'elle s'en va joyeux, ton bonheur est pas avec. Quand le tour se fait voler, ou elle se fait incendier, ou elle a un accident, ton bonheur est pas avec. Quand ton chien t'a pas su pantoufle, maintenant, il est mort, ben non, il tue le fils du voisin, ton bonheur est pas avec. Quand, bon, quand c'est bien tout plaisant, à travers ça, on s'ennuie, puis en s'ennuyant, on cherche autrui. Là, on a réglé le problème, le Walkman et le Walkwoman. Tu as des oreilles, tu t'en vas. Attends d'être écœuré de la musique. Ouais. L'humain, là, s'approche d'être écœuré, d'être écœuré. La majorité, il y a des mots différents qui font pour votre part. Les vidéos, à un moment donné, tu es aussi plate. Tu en loues trop par soir, tu vas aussi plate. La musique commence à être plate. Là, tu prends ton auto, tu t'en vas dans le nord, tu t'en vas dans le sud, tu voyages. À un moment donné, ça commence à être plate. Là, tu essaies des nouveaux sports, tu essaies le sexe, hein, ça t'a essayé voilà un bout de temps. Ça commence à être plat. En plus, ce que tu dis, c'est vraiment pas intéressant. Là, le monde se lance en affaires, le monde se lance à la bourse. Mais à un moment donné, il va y avoir un crash. Ça va commencer à être plat encore. L'humain doit se supporter lui-même. Parce qu'on l'ennuie, on en parle la semaine prochaine, on reviendra en masse. Ce qui est intéressant au niveau du couple, c'est que les deux ne savent pas comment s'aimer d'une façon convenable. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas manipuler. OK, on fait, OK, on va marcher, bon, parfait. Puis le même matin, l'autre, tu oublies, tu as fait des manipulations. Mais le taux d'exercice, c'est pas ça en gang. Il ne faut pas se ramasser en gang. C'est un taux d'exercice, c'est ridicule. Le taux d'exercice, c'est pas de maths. C'est l'individu qui doit se prendre en main. Accepteriez-vous un jour d'être possédé par vous-même? C'est ça, être son seul maître. Ça, ça veut dire ne plus s'ennuyer, ça veut dire ne plus être dépendant, ça veut dire ne plus être assujetti, ça veut dire être capable d'agir. Non, là, il est tellement convaincu, plus petit. Tout à l'heure, Daniel, tu disais que tu étais passé toute ta vaisselle. C'est faux. L'homme, il est plus facile. Ça, c'est une montre. Du métal. Avec une espèce de verre de plastique, pétrole. Dedans, il y a de l'électricité pour 5 ans. Il y a des chiffres qui n'ont pas de surface, deux dimensions. Ils tournent. Il y a la date. L'emplacement, la coordonnée géospatiale de ma planète autour de son soleil. Il y a l'heure. Les coordonnées géospatiales de ma ville en rotation sur ma planète. Il y a un chronomètre double. Il y a une alarme. Il y a un compte à rebours. Et savez-vous que ça, à l'origine, c'est un minerai que des humains vont creuser à pelle ou à la grue. Des puits ramassent le pétrole. On fabrique du silicone à partir de la terre. À travers tout ça, juste le bracelet est extraordinaire. C'est du métal qui ne se casse pas, qui plie, qui va, qui rompt, et qui, même s'il est gros, s'ajuste à mon poignet et est fermé. Je descends 300-400 ans dans le passé, puis juste ma montre fait de moi un petit peu. Et on dit que l'homme est de la merde. L'humain a chez lui suffisamment d'énergie pour que ses neurones arrivent, les mêmes astuces de neurones que le chien, le crapaud puis le lézard, arrivent à fonctionner de façon à exprimer une omnipulation d'énergie qui lui permet de ramasser la matière que tu trouves partout sur la planète et de faire les choses sur lesquelles vous êtes assis. À cause du collectivisme, on finit par ne plus être capable de rien faire. Parce que la société, elle est géniale. Prenez n'importe qui de la société, foulez dans le bois, puis il meurt. C'est la destruction, les éléments de la destruction sont la compétition, c'est la connaissance, c'est toutes ces choses-là. C'est simplement le problème de la planète, c'est que tout est orchestré pour, de façon à réveiller l'humain. Et tout est orchestré de façon à réveiller l'humain, de façon à ce que l'humain ne se réveille pas à moitié. Alors on écrase l'homme, on écrase l'homme, on écrase l'homme, on pile sur l'homme, on écrase l'homme. Puis maintenant, l'humain, quand il va sortir, à plus chance, il va pousser, donc quand il va traverser le pied, il va monter. Mais en attendant, l'humain veut aller petit à petit pour permettre à son ego d'avoir le temps de s'habituer. Moi, je veux faire de la lévitation, tu sais, je veux de la télékinésie, je veux lever un papier, un pouce ou deux, c'est suffisant. Pas pour commencer, c'est lever la carte de liberté, tu sais, mon web-up. Pour commencer par un papier, tu commences à faire bouger un truc, c'est une aiguille, tu commences à faire des musées comme ça. Petit à petit, tu seras mort bien avant. L'humain doit vivre sérieusement sa vie, cesser de se prendre au sérieux. Il se prend au sérieux en croyant ses mémoires et il est constamment manipulé par les mémoires génétiques, par l'hérédité, par la tradition, par sa famille qui l'habite. L'auto-exorcisme, c'est de s'obliger à faire comme si on était et de tenir le bout. Parce qu'à un moment donné, on va être. Il faut y croire. Non. Il ne faut pas y croire. Il faut le faire. Faut le faire. Oui, c'est le fait de croire à tout. J'ai rencontré des humains qui croyaient que Dieu était dans l'homme. Alors, lorsque je leur disais, ben, il est dans moi, je les faisais chier. J'ai rencontré des humains qui me disaient que Dieu était partout et que Dieu était parfait. Alors, je leur disais, Dieu dans l'homme, ils me disaient oui. Je leur disais, l'homme est parfait, ils me disaient non. Donc, Dieu n'est pas parfait partout. Et on ne comprenait pas. Croire, c'est une chose. Comprendre, c'est une autre chose. Et savoir, c'est une toute autre chose. On commence par croire. On conceptualise. On commence à avoir peur. On intellectualise. On conceptualise. On croit ce qu'on vient de faire là parce qu'on est égaux. On pense que ce qu'on vient de trouver est bon. Donc, nécessairement, c'est vrai. Après ça, une fois qu'on croit énormément nos concepts, on engendre la foi. Et une fois qu'on engendre la foi, on engendre la souffrance, des illusions, l'espoir, la carotte en avant qui t'arrive jamais à poigner. Hein? Et puis, à un moment donné, ben, tu finis par t'écraser sur ton derrière. Et puis, tu dis, ben là, il va continuer. Puis, l'univers continue à tourner. C'est l'écœurement de l'écœurement. Et c'est là que tu te rends compte qu'au lieu de bouger avec tout, là, arrête, tu regardes le faire. Que tu pourras rien. Tu es capable de supporter. Là, tu vois comment allumer, manipuler, mais quel parc tu penses là, c'est absolument original. C'est là que tu découvres le mensonge cosmique. C'est là que tu vois comment allumer est manipulé. Là, tu te rends compte que tous ceux qui pensent, c'est peut-être un maudit, un coup de cul. C'est là que tu découvres qu'on les manipule pour s'en obliger à rentrer dans. Et là, le truc, c'est une chose. Crie, gueule, tasse le monde autour de toi. Qu'on sache que toi, c'est n'importe quoi. Chose certaine, c'est que pour Dieu, tu dois être le diable, et pour le diable, tu dois être Dieu. Parce que de toute façon, le diable a peur de Dieu, et Dieu a peur du diable. L'humain doit être son seul maître. L'auto-exorcisme, c'est d'arriver à faire de la place chez soi. On est quelque chose. Sauf qu'on ne veut pas s'en servir, on ne veut même pas l'être. Quand on ne vous demande pas pour qui vous vous prenez, ben c'est vous-même qui vous le demandez. Tu te regardes dans le miroir, bon, mon putain, t'as encore sorti. Non, la fête de la conférence, on lui dit bon, lui ça. Tout change trop comme ça. Ça fait combien d'années que tu crois que t'es ce que t'es? On va falloir que tu changes en mode. Ça arrache une peau, que tu changes totalement. Et comment changer totalement? Rien des choses. Éliminer des mémoires. Des ménages. Oui. Est-ce que l'on doit s'attacher à des choses de famille, parents, grands-parents, qui ont de la valeur pour moi, et cela reste aux enfants après moi, et je sais que pour eux, ils tiennent aussi à ces choses. En faisant cela, on oublie l'énergie accumulée dans l'objet par la famille à servir un jour à quelqu'un s'il n'est pas détruit et perdu. Moi, si j'avais quelque chose de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père, je m'arrangerais pour m'en servir. Mes enfants, ils tiennent, ils devront le mériter si la chose a encore de l'énergie. Sinon, ils ne l'auront jamais. Parce que si un jour elle est perdue, tout ce qui est dedans est perdu. Alors, je vais monter à moi-même m'en servir. Si c'est un bibelot, des poteaux, des choses, du linge qu'on garde quelque part, à un moment donné, on doit faire une espèce de cérémonial. C'est très important. La personne qui jette un paquet de cocktails, elle dit « Ah, tiens, j'ai jeté ça par expert. » Oh bon. comme humain. Oui, mais ça ne te sert pas. Ça cesse de te briser, ça cesse de te nuire, mais ça ne te sert pas. Mais si tu prends les choses que volontairement tu t'en vas faire, tu les mets dans le feu, une après l'autre, pour bien pouvoir faire chier le cave qui veut conserver, une après l'autre, je me libère du passé. Ce n'est pas un manque de respect aux grands-parents. Mon grand-parent, ce n'est pas une lettre qui l'a écrit. Ça, c'est de l'énergie qu'il a mis dedans. C'est de l'énergie. C'est exactement comme si je garderais le trésor que mon grand-père m'a légué. Je donne à mon fils à lui faire des parties jamais. Je deviens bon. Et moi, ce grand-père qui a légué ça, c'est tout pour venir le chercher. Et j'ai laissé pour que tu t'en serves le cœur, pas pour que tu le fasses critiquer, pas pour que tu le conserves comme ça, comme un truc à pas toucher. Alors, c'est la même chose. J'ai une lettre écrite par mon grand-père à ma grand-mère, ou n'importe quoi. Et elle est là. Je la regarde, je l'aime, et je la détruis. Et voilà. J'ai tout conservé ce qu'il y avait dedans. Maintenant, c'est à moi. Et je l'oublie. Je dois l'oublier pour ne pas placer l'énergie que j'ai ramassée dans la mémoire de la lettre. Et là, tu la places dans le ciel. Mais elle ne te sert plus. Tu dois l'oublier. Laisse tomber. Et si un jour un incendie brûle la lettre avant que tu aies fait ça, ben voilà, tu viens encore de faire des choses. C'est pour qu'on perde ce grand trésor avec les incendies brûlés des études, des choses qui sont faites limiter. Être attaché à la matière, c'est être attaché à la forme de la matière. C'est pas être attaché à la matière, c'est à la forme de la matière. La lettre écrite par le grand-père, elle n'a aucune valeur en tant que bois. Pas le tronc d'arbre que je garde, mais ça reste de la matière. C'est la forme, ce qui est transmis dedans, et c'est là le danger de la matière. La matière sert à libérer l'homme, mais l'homme s'attache à elle. Je trouve votre conférence tout à fait très bonne. Question. Où le Christ prenait-il l'énergie pour exorciser? Le Christ, il l'a fait dans le début au nom de son Père dans le ciel. Rapidement, il s'est rendu compte que ce n'était pas puissant fort. Alors, il l'a fait au nom de son Père dans les cieux. Et là, ça fonctionnait. Et finalement, il a appris à exorciser convenablement. Des choses sur lesquelles j'ai déjà élaboré, c'est-à-dire sur le nom. Il apprenait à détecter, à goûter l'énergie ondoformique, l'énergie vitale dégagée par la forme qui possédait l'âme de l'individu, que ce soit un autistique, que ce soit un névrosé, que ce soit psychoté, un psychopathe, que ce soit paranoïaque, que ce soit n'importe quel genre de forme manipulatrice, et connaissant l'onde de forme d'un objet, de l'énergie amique ou intra-amique qui manipulait, il prononçait son nom avec une voix mentale et il l'ordonnait. Et ça, c'est une arme ne peut pas être contourné par les forces astrales. Alors, lorsqu'il parle à un possédé, il ne prononce pas le nom de l'individu, lui. Il prononce le nom de la possession, elle. Et il la sacre dehors. Si la possession est trop puissante, il l'envoie dans des animaux. Des animaux qui ne pourront pas servir de véhicule d'expression à l'absurdité intelligente de la possession, comme des cochons. Puis normalement, ben, l'entité veut absolument se libérer du cochon, alors il tue le cochon, et tuant le cochon, il se fait courir. Il gagne le monde de la mort. Il ne peut plus tout. Mais ne veut rien, il prenait son énergie de lui-même parce qu'il la rayonnait. Et ça, c'est le phénomène même de l'homme nouveau, c'est le phénomène d'un contact supramental, c'est le phénomène de l'anégoïsation. Il ne veut rien, il prenait son énergie chez lui. Et il apprenait par la perception instantanée de l'objet, c'est-à-dire de l'ordre, à exorciser. La majorité des exorcismes nazaréens se sont faits juste en présence nazaréens. Ils rentrent dans une pièce, les cochonneries sortent. Quand les cochonneries sont trouvées dans l'homme, l'homme sort avec. Et quand la cochonnerie est trop puissante, puis elle n'est juste pas assez intelligente pour faire son cas, mais là, ça crée des convulsions, ça crée des problèmes. Ça, pourquoi la convulsion? Mais pour te ramasser en tant qu'humain, ben, le gars, il est pacifique, il est possédé. Ça l'exercice facilement. Le gars, il bave, il crie, il se roule la taille, il arrache son linge, il grimpe après le rideau, s'il y en a. Et là, c'est là, t'es, ouais, faut te toi, hein. Parce que sinon, tu sors. Mais le Nazaréen, lui, l'autre, il bavait, il criait, faisait n'importe quoi, puis ben oui. C'est normal, comme il s'en fout, il peut l'aider. Si j'ai bien compris, tu te donnes, si tu donnes tes vêtements, tu donnes tes énergies. Et si tu déchires tes vêtements, même si tu, si ce n'est pas pour toi, si ce n'est pas pour toi, de récupérer des énergies. Si on donne ses vêtements, nécessairement, on donne ses énergies. Quand on reçoit des vêtements, on reçoit aussi un peu les problèmes de l'autre. Puis on a déjà expliqué, ça paraît bien con, mais comme c'est comme rentrer dans une maison qu'on vient de louer, c'est bon de la repeinturer au complet, c'est un grand ménage. Le linge, ben, on l'expose au soleil, les énergies solaires, Yann, vont éliminer les énergies vitales qui sont dedans le linge. On lave aussi un peu. C'est pourquoi aussi, un enfant va aimer avoir la veste, le chandail de sa mère ou son père, va dormir sécuritairement. Lavez-le tant que vous voudrez, il va le reconnaître. L'énergie qui est dedans, il sait à qui elle est. Quand elle est au soleil pendant un grand bout de temps, puis il la reconnaît de l'hiver, il la reconnaîtra pas à l'odeur vitale. Si on lui montre, il va le voir. Sinon, ils ne sont pas sûrs. C'est la même chose lorsqu'on le reçoit. Si on veut débarrasser de certaines choses, on ne le donne pas. On le détruit. On peut donner une chose en donnant son énergie. C'est ce que normalement on devrait faire lorsque l'on donne un cadeau à quelqu'un. Donner un cadeau, c'est pas donner une forme, c'est donner de l'énergie. On appelle cela donner de l'amour. OK. Pourquoi le cadeau a-t-il le plus important lorsqu'on le fabrique soi-même? Ben, vous savez pourquoi? Ça vient de l'art. Et là, on donne un cadeau. Mais évidemment, le pauvre type ou la pauvre type qui le reçoit, si elle ne sait pas ce que c'est que de l'art, et si elle ne sait pas ce que c'est qu'un cadeau, mais elle préférait Walkman ou elle préférait quelque chose qui est fabriqué en physique. Et là, on perd encore une fois une des clés majeures de la communication et de la relation. Le chef de vêtements, même si ce n'est pas toi qui les as faits, tu récupères tes énergies, oui, parce que c'est toi qui les as portés. Lentement, tu aimes tes vieilles jeans. Lentement, tu aimes ton vieux chandail, tes vieux souliers, tes vieilles gossins. À un moment donné, tu décides que tu changes. Ces énergies-là, maintenant, vont t'aider à grimper et tu deviens un homme neuf. Pas nouveau, mais neuf. Femme neuve, un enfant neuf. Et puis là, on passe à une autre étape. Faut que tu te libères de ton passé. Te libérer de ton passé, tu te détruis les égrégores, sont contenus avec. Et toi, tu dois le faire, ce qui t'amène des énergies-là chez toi. Mais tu ne fais pas, comme je répète, sans t'en rendre compte, tu dois le savoir, ce que tu fais. Tu prends tes vieux souliers, trouve-les corrects, rappelle-toi ce que tu as fait avec, mets-en à dimension. Puis supporte ce que tu fais. Parce que savoir qu'énergie va en avoir en dedans. Puis là, tu vas te sentir, ouais, supporte. Puis continue ou arrête, en sachant que tu arrêtes parce que tu arrêtes. Puis ça, c'était parfait. D'autres termes, quelqu'un qui peut simplement dire « ça, c'est ma boîte de déchets, j'envoie ça dedans, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. » Il n'y a pas la conscience, il n'y a pas le cérémoniel. Il perd finalement un trésor. Oui. On ne peut pas faire ça par habitude ou parce que Daniel Kemp le dit. On doit savoir ce que l'on fait. On doit être conscient. Et là, ça marche. Mais ça marche. Et il y a bien des choses pour la planète qui ont un problème, c'est qu'elles marchent. Et quand une chose marche, ben, il faut qu'on s'attende que ça marche. Parce que sinon, ben, on n'a pas. Lors de votre séminaire, touchez-vous à l'exorcisme. Excellente conférence. Le séminaire, c'est exactement comme si on cassait des coquilles d'œufs. Si la pensée est un phénomène de possession, comment exorciser celui qui pense trop? Celui qui pense trop a un problème. Il a énormément de trésors dans le ciel, mais pas assez dans la matière. Alors, il va avoir de la difficulté à aller chercher pour changer. Celui qui pense trop, on doit le faire ici. Ou celui qui pense trop doit s'organiser pour développer une forme d'art. L'art, c'est la mort de l'homme et c'est la survie de l'homme. Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui sont créateurs se doivent absolument d'envoyer ça dans la matière, parce que sinon, on perd plus de temps? Oui. La majorité des artistes ne sont pas capables de vivre en affaires parce qu'ils ont la tête pour des nuages. Moi, je prends une peinture pour moi, j'en fais une copie que je te vends cher. Là, moi, ma maison va vivre la tête des nuages, les pieds sur le sol. Mais les artistes veulent créer, ils veulent créer pour l'humain. Le chanteur, faut qu'il se fasse entendre. Le peintre, faut qu'il expose. Mais c'est le mot du problème. Peux-tu chanter simplement pour chanter? Compose une belle, belle musique, écris-la, quand c'est fait, réécoute-la une dernière fois, puis détruis-la. Tu seras puissant. Donne-la à autrui, tu ne peux plus la détruire. J'écris un roman génial. Je l'ai écrit pour exprimer mon énergie. Mais là, ils vont me faire avancer par l'astral collectif, hein? Ouais, mais c'est très bon que j'en lis. Tu pourrais faire un kickstand avec. Tu l'as fait pour ça ou non? Si tu l'as fait pour le publier, publie. Si tu l'as fait pour écrire au cas qu'on verra après, détruis. Si tu le publies, une fois que c'est publié, tu peux plus le détruire. C'est fait. Tu viens de mettre de l'énergie là pendant un laps de temps et maintenant, c'est envoyé. Détruis ton manuscrit et il tirait combien d'exemples. À part quelques-uns, le génial, c'est la même chose. Le génial qui va vivre, qui fonctionne, mais est-ce qu'il vit heureux? Est-ce qu'il vit libéré? Est-ce qu'il est libéré de manipulation? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait sa planète? Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il vieillit comme tout le monde? Est-ce que c'est normal, sa dégénérescence? Ou si ça devient anormal? Des choses de temps en temps et ça fait de l'art. Tu dois créer le bas qui pense ou la pique qui pense. De temps en temps, créer des choses d'art. L'art, c'est volumineux, l'art. Tu mets bien des choses de l'art. Mais tu places dans la matière de l'émotion, de l'énergie. Et lorsque c'est fait, conserve. Et lorsque tu auras besoin d'un coup de pouce, fais attention. La personne qui rentre qui est écœurée de sa maudite maison, qui se met à tout casser, elle n'a pas compris. Elle ne pourra pas faire de tout exercice parce qu'elle détruit toute par manipulation. Qu'est-ce qu'on lui force à faire? On la force à jeter tous ses canalisateurs d'énergie, tous ses condensateurs d'énergie aux poubelles de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'en servir. Et elle va repartir encore plus beau. L'humain doit être conscient. Et en d'autres termes, ça veut dire que si on a une batch de guinée, il faut écarter. Prendre un bout dedans, puis là, t'en prends un bout. Là, si tu as une batch de guinée, ça fait déjà un bout dedans, les gars. Oui, mais tu ne vides pas tout d'un coup, c'est ça que je veux dire. Tu ne vides pas tout d'un coup et tu dois regarder chaque objet avant. Ah. Un exemple. Ta femme, elle a des vieilles qui ne finira plus le temps. Bon. Il y a deux, trois trucs. Bon. À un moment donné, et si elle est plus la conférence, si tu lui as expliqué, ou bien non, c'est de la caisse à son cadeau, avec le cochon, bon. À un moment donné, ben là, tu prends, tu mets ton dos de ton dos dans le trou, tu dis, hey, c'est bon, ça. Regardez comment elle va se sentir là. Mais ça, c'est l'aider. C'est l'aider. J'ai pris chemise après. C'est sûr. Mais là, il faut qu'elle tâche, il faut qu'elle soit un peu dans le jeu, il faut qu'elle comprenne un peu. Mais à un moment donné, tu aides un petit peu. Moi, j'ai fait ça souvent, j'allais des cours de judo des petits jeunes. À un moment donné, il y en a, les kimonos sont tous défaits. C'est la ville de Montréal-Nord, on ne pas se chercher les kimonos. Mais là, c'est le vieux kimono. On faisait un combat avec d'autres. Pour le vieux kimono. En robot d'agir. C'est correct. Il y a plein de petits trucs. Mais c'est dans l'art, dans la matière. Qu'est-ce que c'est que de l'art, sinon de la matière transformée par l'émotion de l'art? Mais ça, là. Mais sache que tu ne dois pas t'attacher à la chose ni à la forme. La matière, c'est de la matière. Il y aura toujours suffisamment de matière pour te permettre de recommencer. Oui. Je ne veux pas recommencer, mais je veux pas faire ce que j'ai fait. Ça nous force à faire ça. Tu sais que la matière que tu as créée, elle t'aime au fait que tu l'aimes. C'est ta race. Tu l'aimes trop. Pourquoi certains... Mais l'humain ne veut pas s'en sortir. Hein? Pourquoi certains psychotiques ne répondent pas à la médication, même s'ils ont des doses de charge? Devraient-ils être démédicamentés? Devrait-on les isoler dans des endroits sécuritaires, exemple cellules capitonnées, et leur permettre de faire une profonde colère? peuvent-ils se libérer eux-mêmes? La majorité ne pourront pas se libérer eux-mêmes. Je dis la majorité. Il y en a qui le pourront. La majorité ne le pourront pas pour la même raison qu'ils sont encadrés dans un schéma collectif. Et c'est la collectivité qui devra, ou un individu extérieur, au nom de la collectivité, d'un égrégore, d'un truc quelconque, de quoi que ce soit, qui pourra et qui devra à un moment donné faire cet exercice. La médication ne fait pas effet pour la même raison que l'interpréteur actionnel dans le corps de l'homme, qui normalement permet à la pensée de créer un geste qui, le geste étant pensé, va engendrer une mécanicité musculaire, lorsque cela ne se fait plus convenablement, l'individu peut être manipulé autrement que par le biais de l'interpréteur actionnel. L'interpréteur actionnel est une mécanicité subatomique qui est la structure même de l'atomicité des neurones. Et si cela ne marche pas comme ça, la médication, elle vient perturber l'interpréteur actionnel. La médication vient perturber les échanges axoniques entre les neurones. Et si la possession passe par un autre mécanisme, la médication ne prend rien chez l'humain. Quel que soit le problème chez l'homme, l'exorcisme est la solution. Mais tous les humains n'ont pas à être exorcisés parce que beaucoup d'entre eux ont pour fonction de servir de mémoire tampon, de servir de condensateur tampon, de servir de réceptacle pour recevoir la merde du monde de la mort, de façon à permettre à une élite de pouvoir grimper. Des colons, comme ça. L'élite grimpant perd le monde de la mort, a un contact avec les plans supramentaux, engendre une fusion avec sa propre intelligence, et à un moment donné, il va récupérer les personnes qui, pendant des humanités entières, ont supporté la misère noire pour permettre à certaines quantités d'individus de grimper. Mais il y a une chose que l'homme doit savoir, c'est que la destinée, elle n'existe que collectivement. Elle n'existe pas individuellement. Il y aura des gens qui grimperont, il y aura des gens qui stagneront, mais on ne sait pas encore qui sera quoi. Celui qui est dans une attitude d'attente active pensera où il doit passer. Celui qui est dans une attitude de facilité pensera où il doit passer. Lorsque l'individu, on parle des psychopathes, de ces choses-là, il y en a qui vont s'en sortir, il y en a qui ne s'en sortiront pas. Ils font partie des schémas collectifs. Être dépendant de quoi que ce soit à l'extérieur de soi et même être dépendant de soi, c'est être converti à la plus grande religion possible. Et à travers cette religion, on vous permet souvent de croire au bonheur. L'être humain doit être libre. Ce sont des outils, des choses. Pas des mécanismes d'esclaves, ce sont des outils. Et l'homme ne s'en sert pas comme outil. L'homme s'en sert pour exprimer son émotion, et lorsqu'il a exprimé, il construit le jeu de niveau, et il peut le conserver. Et l'homme, le problème. Je le conserve jusqu'au jour où tu en as besoin. Et qu'est-ce que c'est en avoir besoin? La journée où ça ne va pas, la journée où tu es écœuré, la journée où ça doit changer, va récupérer de l'énergie. Quand on récupère de l'énergie de quelque chose qu'on vit, puis maintenant, on est beaucoup intelligent à cette affaire-là, on dit, d'accord, je la récupère. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut investir déjà sur autre chose? Non. Il faut simplement écouter à ce qu'elle nous a servi, cette chose-là, etc. Et puis, finalement, bon, ben, ce qui reste, ben, on le jette. Dans le séminaire, la majorité des gens découvrent qu'ils sont brassés. Et en réalité, ils ne sont pas brassés, c'est qu'ils se sentent, ils sont obligés de faire en sorte que certaines sphères égrégoriennes chez eux brillent, des mémoires brillent, des concepts brillent. C'est une énergie dans ce concept qu'on met en place dans une langue. À un moment donné, oui, mais moi, j'ai toujours pensé que, puis là, je me rends compte que, c'est ça, tu gagnes l'énergie. Parce que dans le séminaire, je dis aux gens qu'ils ne doivent pas prendre de décision majeure avant un mois. Parce qu'ils vont rebaisser en vibration. Certaines décisions seront pourquoi après. Et ils se demandent souvent, oui, mais l'énergie, c'est ton énergie. Non. Moi, je fais de la boxe. Je pète des ballons. Et l'énergie accumulée dans la ballon, dans le concept, c'est l'énergie. Et là, tu grimpes, là, tu comprends. Parce que là, tu n'as pas le choix, tu peux te sauver. Bon. Et là, tu comprends. La personne, lorsqu'elle s'en va le premier soir, c'est évident qu'elle se sent un petit peu perdue. Parce qu'il se rappelle pas de ce qui est dans le tribunal. La majorité s'en rappelle pas. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils s'en vont de l'énergie. Et la deuxième journée, c'est plus facile. Mais là, on en prend autrement. C'est plus facile. Ils ont plus d'énergie. Facile. Ils ont assez libre dans la nuit. L'individu a des concepts, l'individu a des croyances, l'individu pense que ceci est comme ça, puis à un moment donné, ben, il se découvre, il comprend. Parce qu'il n'apprend rien, il comprend. Puis que s'il apprend, il ne brille aucune bulle. Il comprend, c'est ça. Dans un temps, il y a de gros petits problèmes. C'est le seul des plus de la colère mentale. Juste quand on s'amuse. À expliquer aux gens, quand je m'amuse à dire aux gens, oui, tu vois ce que tu viens de dire, là, comment ça, c'est con. Parle contre toi. Chaque fois que les humains ouvrent la trappe, ils parlent contre toi. C'est absolument effarant comment on peut arriver à voir une race aussi intelligente, aussi parfaite, accepter d'être aussi manipulée. Elle ne se détruit pas, elle continue à évoluer, mais d'une façon collective, et on est rendu dans un air où des individus doivent se réveiller individuellement. Donc, un air où des individus doivent rentrer en contact avec leur propre intelligence. Un air où l'individu doit se libérer des maîtres, des gourous, des prêtres, des dieux, des archanges, des anges, de toutes les hiérarchies. Un air où l'homme doit évoluer non plus en rampant, mais debout. On est rendu à un air où l'humain va se réveiller. Tous les humains, non. Ça va prendre quelques années avant que l'humanité collectivement puisse avoir des corps pour pouvoir se réveiller. Ça va prendre encore quelques milliers d'années, mais c'est quand même une chose vite faite. Sauf qu'il y a des humains présentement qui sont au seuil de s'ouvrir. Et il en faut. Il en faut pour eux. Nécessairement, ils instruiront le monde de la mort que ça se fait. Instruiront le monde de la mort que ça se fait. Ceux-ci ne pourront pas faire autrement que d'instruire l'humain que ça se fait. Alors l'humain, lentement. L'humain partout sur la planète. L'humain n'importe où, même celui qu'on verra jamais. Et à un moment donné, il se réveille un matin. Quand on n'est pas de la mort. Il y en a un qui vient de penser à le monde de la mort. Le monde de la mort est au courant. Lorsque le gars a prié son Dieu, il va avoir une nouvelle réponse qu'il n'aura jamais eue. C'est normal. Parce qu'il y aura maintenant une nouvelle trace dans la mémoire astrale, dans le monde de la mort. Il y en a un qui se réveille, qui a mangé de la mort. Il y en a un deuxième, c'est plus facile, c'est super. Il y en a un troisième, c'est plus facile, c'est juste pas. Il y en a 15. Il y en a un 16e, ça commence à faire. Parce que l'astral est au courant, ce mot le libère. Et à un moment donné, il y en a 100, il y en a 200, il y en a 300, il y en a 3000, c'est de plus en plus facile. Jusqu'au jour où ça va se faire de plus en plus rapidement, de plus en plus vite, et de plus en plus facile. C'est de plus en plus ordinaire. Certains vont dire, ben moi je peux rester, je peux aussi attendre que ce soit bien effacé. Oui, la seule chose qu'il y a, c'est que l'évolution est pas entre les mains de l'homme, c'est que si vous voulez attendre, ce que vous n'avez pas à attendre, si vous êtes éthique, si vous avez pas de chance, si vous avez pas de chance, sauf qu'on peut faciliter les choses. De toute façon, juste le fait d'être ici à soir, juste le fait de se poser des questions comme on se pose, juste le fait d'être partout ailleurs, c'est déjà trop tard. Bon, c'est bon, c'est bon. OK, vas-y, posez vite pour répondre à ça. Plus j'évolue et je comprends des choses, moins je me pose de questions dont les réponses me seraient utiles. Comment expliquer ce phénomène? Parce que la personne n'a pas suffisamment développé son langage, n'a pas suffisamment développé sa parole, et aussi parce qu'elle vit un phénomène d'ennui d'évolution, c'est-à-dire qu'elle manque d'énergie. Elle ne peut pas légiférer sur l'intelligence de continuer à poser des questions dont la réponse serait utile. Autrement dit, la personne vit une récupération astrale qui l'oblige. Attends. Lorsque ce homme est arrivé, j'ai dit que des commentaires à des conférences. J'ai posé des questions. Il n'a pas d'obligé de répondre. Ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais la personne qui se lève dans la fin, et elle doit s'arranger pour, si elle ne peut pas poser la question, elle doit poser la question-réponse. Elle doit apprendre à s'émerveiller. En lui disant ce qu'il ne doit pas s'émerveiller. Alors elle observe quelque chose, c'est extraordinaire. C'est la question-réponse. Ou qu'il va poser la question. Sinon, pourquoi poser la question? Et le gros danger de commencer à faire des conférences, de rencontrer des gens, posez-moi des questions, c'est qu'à un moment donné, on peut se prendre pour un maître. Ouais, ils ont fait le mal. Et ça va être plutôt. C'est con. Je vais gaspiller toute son énergie. Comme ça. qu'arrive-t-il énergétiquement parlant si lors d'un auto-exorcisme, on regrette notre geste dû au stupide attachement que l'on avait pour l'objet en question? Mieux vaut ne pas faire de tentative si on n'est pas suffisamment sûr. Et lui-même va dire, oui, mais comment être sûr? La réponse, fais-le, tu verras. Par école, mais c'est la seule façon. Demande pas à quelqu'un si t'es prêt. Et qu'est-ce qui arrive avec l'énergie? L'énergie, elle est plus ou moins perdue si elle ne fait pas contre soi. C'est pourquoi, lorsqu'on décide de le faire, faut savoir qu'on risque d'être nostalgique. Oh, c'est pas tout de suite, ça a bien été. Checkez-vous dans le chemin. Checkez le voisin qui va être récupéré pour venir vous donner de la marde. C'est comme ça. Quand je pense que vous pouvez être vos enfants, votre femme, votre mari, il faut bien préparer les choses. Comment ce comportement est-il dû au fait que l'on n'était pas prêt à récupérer cette énergie? On n'est pas prêt à se prendre en main. On ne sait pas encore que l'on peut. Il peut. J'ai beaucoup de livres ésotériques auxquels je me suis attaché émotivement, mais qui ne vibrent plus avec moi. Je veux m'en débarrasser. Est-il préférable de les jeter ou de les donner? On va les vendre, ils font qu'ils prennent pas cher. Avec les années, j'ai accumulé beaucoup d'énergie dans les livres ésotériques auxquels j'attribuais jadis une part de ma pseudo-évolution. Bref, je me suis en quelque sorte longtemps identifié à ces ouvrages. Comment faire pour aller récupérer toute cette énergie? Dois-je nécessairement les jeter ou les vendre? Lequel des deux processus est réellement le plus efficace? Elle devrait les jeter. Détruire quelque chose qui a de l'importance pour moi, l'hyper d'énergie qu'on a mis dans la chose, le rapport avec les désirs et demandes des enfants. Comment je comprends? Tenez les dents aux enfants. La thérapie primale est-elle de l'exorcisme? Est-ce une bonne thérapie? Une thérapie qui est bonne pour ceux pour qui ça marche. Quelle est la différence entre Dieu, la conscience cosmique et le Christ en soi? La différence entre Dieu tel qu'il est conçu par l'homme, est une création de l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme placé dans le monde de la mort, le ciel. Il est tellement énergisé qu'il devient, au niveau de l'astral, plus puissant que l'homme individuel, parce qu'il est plus d'énergie réunie que l'homme peut connaître. La conscience cosmique, disons pour l'instant conscience supramentale, c'est la première forme d'énergie créatrice. On l'appelle souvent aussi, on appelle ce plan le plan causal, celui des causes. La conscience supramentale est au niveau théologique, disons théocristique, l'énergie de l'Esprit Saint. C'est l'intelligence de l'homme et c'est la condition mémorielle, expérientielle, galactique qui peut permettre à un humain de savoir ce qu'il faut ici. Le Christ, théocristique, christique Dieu, l'énergie supramentale est de l'énergie christique, c'est-à-dire que le Christ est un être humain qui est couvert d'énergie supramentale, qui a engendré sa fusion avec et qui par le fait même est devenu un Christ. Le Nazaréen, c'est autre chose. Le Nazaréen, c'est le personnage chez un Dieu, Jésus, égoïquement enfant, assujetti par un contact obligatoire avec une énergie christique, supramentale, et qui va permettre l'expérience d'un avatar ou d'une identité galactique sous le contexte de notre planète. Il va permettre une expression, une éducation de l'astral, ouvrant pour la première fois le ciel aux hommes, c'est-à-dire qu'il permettra pour la première fois la possibilité à l'homme, lorsqu'il meurt, de fuir le ciel, et non pas de pénétrer, parce qu'il y a toujours pénétré. Le Nazaréen, c'est un bonhomme qui a accepté un contact fusionnel avec l'énergie supramentale, et qui par la suite est parfait de par lui-même. Il a eu un corps éthérique, il a éthérifié son corps physique à sa mort. On l'appelle de sa mort, là, c'est-à-dire aux gens, il est pas mort. Et voilà, lui, c'est ça. Dieu, c'est bon. L'énergie supramentale, la conscience cosmique, c'est très bon. Le Christ, c'est encore plus bon. Puis le Nazaréen, c'est ce que l'homme va devoir devenir un jour. C'est la seule chose, c'est ça. Pourquoi qu'on est timide? Me dis-vous que c'est la peur? Timidité, c'est de l'orgueil. Et la peur face aux gens est aussi de l'orgueil. Peur de ne pas être à la hauteur de la situation, donc incapable de fuir une exécution. Et ça, même si mentalement on le comprend, l'ego est programmé, l'humain est manipulé. Ça peut se changer. Ça peut se changer comment? L'auto-exorcisme, c'est un coup violent. Tu peux changer cela. Tu peux se changer par l'exorcisme lent, la programmation, l'auto-hypnose, l'auto-programmation, la suggestion, le positivisme. Mais sinon, sinon, sinon, est-ce qu'on peut se réaliser à vivre solitaire? Tout se peut. Comment sortir vos traumatismes inscrits durant l'enfance? Les traumatismes inscrits durant l'enfance appartiennent à l'enfant qui vous habite. Ils n'appartiennent pas à l'adulte qui contient l'enfant. Parce qu'on s'identifie toujours aux mémoires de ce qu'apparemment nous avons été, on reste convaincu que ces traumatismes appartiennent. Éduquer l'enfant chez soi, c'est régler ses traumatismes. Le tout sorti de toute façon, mais l'être humain est toujours un peu un enfant. Il doit se donner quelques récompenses. Ce n'est pas à l'issue. Mais il doit être le maître. Il doit décider quand il mange encore bien, quand il ne mange pas. Que veut dire l'affirmation « Si vous êtes deux ou plus réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. » Le nom du Nazaréen, le nom du... Il faut faire attention. Premièrement, il y a le nom de Jésus, il y a le nom du Christ, il y a le nom de Jésus-Christ, et il y a le nom du Nazaréen. Le Nazaréen a toujours été respecté par ses meilleurs amis et il se faisait appeler le Nazaréen. Et c'est d'ailleurs son nom ésotérique. Le nom occulte. Christ ou le Christ est le nom de la religion catholique. Jésus est le nom des avatars. C'est le nom de l'enfant qui a reçu le contact. Jésus-Christ, c'est aussi un nom catholique qui accepte d'associer l'homme, Dieu. L'un ou deux, plus d'énergie, ou plusieurs, plus d'énergie, seraient réunis en mon nom. En mon nom, vous serez au milieu d'eux. Cela veut simplement dire que lorsque plusieurs individus, à l'époque, et c'est encore comme ça aujourd'hui, se réunissent dans une idée particulière, avec le nom, en mon nom. Le nom est la clé qui permet d'ouvrir les vannes de l'énergie du monde de la mort, du ciel. Alors, nécessairement, si vous êtes réunis en mon nom, disait le Nazaréen, en mon nom, l'énergie, la mémoire que j'aurai laissée dans le monde de la mort sera nécessairement chez vous. Elle clôtera à clos. D'où l'importance de la répétition de la messe qui est un repos. La messe est un repos. Bon, quand tu lèves tes crosses d'un genou, debout maintenant, ou tu mets sur la langue, ou tu prends avec la mère, après, c'est un repos. Mais on peut changer la tradition et aller chercher un hostie. C'est la même chose. À l'instant où la collectivité l'accepte. En mon nom, nécessairement, si vous refaites les mêmes choses, vous vous rappellerez, vous ouvrirez les vannes et vous aurez l'énergie. Mais ce n'est pas l'énergie christique, c'est l'énergie mémorielle du Nazaréen. Elle va ouvrir l'individu. Elle va ouvrir l'individu. On a eu des saints, des êtres humains qui sont ouverts beaucoup plus dans notre religion que dans celle des autres. Mais c'est normal, parce que le Nazaréen est le plus simple. Alors, que veut dire l'affirmation? Si vous êtes deux ou plusieurs réunis dans mon nom, je serai au milieu de vous. C'est la mémoire, évidemment. Pour commencer, c'est pas l'énergie physique qui vient. C'est la mémoire du Nazaréen. C'est extraordinaire, c'est parfait. Mais un jour, vous devez être capable d'être seul et de recevoir votre énergie. Je n'ai rien contre celle du Nazaréen. C'est encore un petit peu de maîtrise. Marchez pour que celle du Nazaréen. Et frappez-vous le cerveau. Il y aura un être pour marchez avec la sienne, il y aura un le maître qui a décidé de réaliser cette façon de faire. Le maître qui a décidé de rechercher. Comment faire pour combattre le mal en nous? Il me semble toujours qu'il y a quelqu'un qui me dit de ne pas faire des choses intentionnelles plus souvent mal que bien. Est-ce une sorte de possession? Oui, l'humain possédé, l'humain veut évoluer, en même temps l'humain veut dormir, en même temps l'humain veut la matière, en même temps l'humain c'est cœur de matière, l'humain veut aimer, c'est la guerre, l'humain possédé. Comment régler ces choses? Premièrement, ne pas penser que c'est nous autres qui faisons cela. On est responsable et on n'est pas coupable. Le taux exorciste est une chose. Ce soir, cette question-là ici, elle se réglera en temps et lieu. Toutes les choses sont pour régler dans une exclusive conférence. Il y a d'autres choses. La vie, elle est là pour une chose. Formez-vous maintenant. Alors, la vie répondra bien à la question. Peut-on dire que exorciser, c'est démystifier? Peut-on dire que maintenant, c'est la médecine qui pratique l'exorcisme au lieu de l'Église? Oui. Jusqu'au jour où l'Église a eu peur, elle a légué ça à la médecine. Maintenant que la médecine a peur, on reculait tout à l'heure, mais on attendait vos études. Quand tu rencontres un médecin et qu'il te dit lui-même que s'il n'y arrive pas que ce soit, tu ne vas jamais voir le médecin. Non, pas. Est-ce qu'il y a une matière de se garder à ses énergies lorsque l'on élève des enfants qui nous répondent souvent en nous blessant et en têtant notre énergie? Mais bien les choses au niveau de l'enfant, au niveau de la femme, de la famille, qui ne peuvent pas être encore sont compréhensibles par la majorité, parce qu'ils sont soit gentils ou phénomènes émotifs. L'enfant nécessairement tête de l'énergie. La meilleure façon de s'en sortir et de faire suffisamment d'énergie dans l'enfant, c'est de s'arranger à son énergie pour aller la vitesse. L'enfant se sent bien, les parents se sentent bien. Mais les parents voulant se sentir trop bien faire, en réalité, c'est une question de manipulation, ils veulent raconter ça, évidemment, de manipuler. L'enfant est aussi manipulé, c'est que ce n'est pas long que celui qui veut jouer plus, le parent. On s'arrange justement pour le procéder, le gagner un peu. L'enfant va s'en occuper, c'est l'enfant. Lorsque l'on élève des enfants qui nous répondent souvent nous blessant, attention, s'ils nous répondent à nous blessant, c'est parce que l'on s'attend. Un retour d'énergie. Et ce qui nous donne, c'est pour ce que l'on le fait. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Il a le droit de répondre ce que nous veut répondre. Et il a le droit de faire ce qu'il veut faire. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que l'adulte a aussi le droit de faire ce qu'il veut faire. Et il a aussi le droit de répondre ce qu'il veut répondre. Et lorsque la guerre sera juste, un harmonie apparaîtra. C'est là l'équilibre des forces. L'enfant ne peut pas être élevé. Il peut être éduqué. Personne ne peut dire ce qu'il veut dire, mais on parle, on écrit comme l'on parle, inconsciemment ou consciemment. Et élever un enfant qui le moindrement devient intelligent, c'est travailler contre soi. Éduquer, c'est éduquer. Ce que je lui demande de faire, je dois le faire. C'est un pacte qui doit être établi. J'ai fait plusieurs conférences sur l'éducation de l'enfant nouveau. Sur les 15 avaient sorti le son, il y en a qui le sont avec son nez avant. C'est assez compliqué. Dernièrement, je vais me rencontrer une commission scolaire au complet avec les professeurs de la maternelle de la 6e année pour justement expliquer comment travailler avec les enfants. Et je vous assure que c'est dur à faire comprendre que l'enfant, c'est quelqu'un. Et parce qu'on ne le conçoit pas, on s'attend à ce que je réponds de telle ou telle façon pour la sérieuse. Et c'est dangereux. Je mets de l'énergie dans mes enfants et je m'arrange pour la redonne. Manipulation hypocrite, oui, ça plaît à l'enfant et ça me plaît à moi. On ne chicane pas, je ne sais pas. Comment ça se fait? Ça se fait. La potion magique qu'un druide préparait était-elle magique à cause de sa longue préparation, du rituel, des invocations, etc.? Peut-il en être de même avec notre sauce? Exactement. Pourquoi le thé fonctionne-t-il au niveau de l'Église catholique? Parce qu'il est préparé dans la communauté. Elle est par la suite bénie par le prêtre et on la respecte à partir de ce moment donné-là. Elle passe un apprenant, elle avait un effet. On a des prêtres, elle a encore énormément d'effets. De l'eau, pas de l'eau. C'était ça dans un pot d'eau qui était là, pourri. De l'eau bénite, complètement bénite. La personne, lorsque le druide prépare sa potion, il doit mettre des ingrédients qui absorbent de l'énergie. Et des ingrédients qui traditionnellement font forme de symbole. D'autres druides, des milliers d'années auparavant, ont aussi fait la même chose. Alors, il y a des grégores des druides qui écrivent. Et les grégores des druides sont capables de se libérer dans la potion si elle est faite selon le rituel par une personne qui a une forme d'autorité. La sauce magnétique, c'est la même chose. mais on risque plus de devenir italien. Que tu veux. À cause de la tradition religieuse. Mais c'est le même principe.